Vous êtes au bout du chemin brûlé, tandis que devant vous se tient la superbe ville de Toulon, capitale du Sud. Depuis la dernière partie, vous avez traversé les Alpes. Vous avez notamment fait affaire au poste de renseignement de Carnest avec les Helvétiques qui s'y trouvaient sur place et les quelques clans d'apocalyptiques. Vous avez participé à certains complots qui visaient notamment à se débarrasser de certains concurrents à des ferrailleurs représentés par les Géométhanes avec qui vous voyagez. Accidentellement, par la suite, viendra même trouver la mort un cheval et son maître, Néolien, d'une fameuse crevasse où malheureusement la corde qui le tenait aura lâché. Vous vous trouvez donc devant cette gigantesque cité portuaire en vous remémorant toutes ces choses que vous avez traversées. Vous êtes parti déjà depuis maintenant plus d'une semaine. Au loin, vous voyez d'imposants navires de commerce néolibiens ainsi que des bateaux de pêcheurs rentrer dans les différents ports de la ville tandis que des mouettes décrivent des genres de cercles concentriques au-dessus de leur cargaison. Vous entendez le bruit des vagues qui s'éclatent contre les rochers et sentez le soleil chaud du sud vous réchauffer à travers l'hiver malgré tout, et ainsi que le vent méditerranéen qui dégage les cheveux que vous avez posés sur vos épaules, en tout cas pour ceux qui ont des cheveux à dégager. Nous sommes en début d'après-midi et vous n'avez toujours pas mangé, pensez-vous, en remarquant les quelques pêcheurs et chasseurs déambulés près de vous avec leur cargaison fraîchement pêchée. La nourriture ici ne semble clairement pas manqué, contrairement à d'autres endroits dans lesquels vous êtes déjà allé, comme Justicienne par exemple, où il y a toujours une espèce de menace de famille, de famine, pardon. En approche. Ici, au contraire, comme je dis, vous voyez beaucoup d'oiseaux. Sans doute que la mer permet aussi de faire fonctionner énormément la pêche. Et les marais semblent remplis d'insectes en tout genre. Au loin, vous entendez d'ailleurs quelques grillons, ce genre de bestioles. En tout cas, vous ne saurez pas donner un nom dessus, puisque vous n'avez jamais eu connaissance de ce type d'animaux. Vous remarquez également qu'une grande partie des hommes et femmes que vous croisez à l'entrée de la ville, et qui semblent en rentrer et en sortir, plutôt en rentrée à cette heure-là, portent à peu près le même tatouage. Il s'agit d'une espèce de symbole avec des lignes droites entrecroisées qui forment un genre d'encre marine. Symbole que vous retrouvez sur la bannière de la ville qui flotte fièrement à l'entrée de cette dernière. Si vous voulez, nous nous produirons ce soir dans le cirque, à l'ouest de la ville, vous annonce Blanchard, lorsque vos routes se séparent. Cherchez un bar, hein, pas un vrai cirque, dit-il tandis qu'il s'enfonce complètement dans la ville. Alors que vous passez sous la bannière portant l'insigne de Toulon, vous êtes ensuite abordé par un jeune néolibien qui semblait vous y attendre. Il a des cheveux mi-longs plaqués en arrière, des cheveux blancs. Ses vêtements, eux, ne traduisent pas vraiment un quelconque signe de richesse apparent, malgré ce qu'ont l'habitude de vous faire voir les néolibiens que vous avez pu croiser. Et même, je dirais que c'est plutôt l'inverse, il a des vêtements qui font presque pauvres. Malgré tout, il rattrape un petit peu tout ça avec un splendide sourire qu'il vous arbore en vous regardant. « Bonjour, mes amis. Je devine à votre allure que vous n'êtes pas vraiment du coin. Je me présente, Joachim, guide itinérant. Je sais tout ce qu'il faut savoir pour de nouveaux venus comme vous en ville. Les endroits où dormir, où manger, où trouver du travail, et mes tarifs sont très abordables. Son accent trahissant plus le sud que celui d'Africa. » Et un peu dépaysant, mais relativement compréhensible, et même ceux qui n'ont pas forcément l'habitude du francéen arrivent à peu près à comprendre ce qu'il dit. Auquel cas, sur certains mots sur lesquels il pourrait buter ou dont vous ignoreriez la traduction, vous pourriez toujours demander à Efflux, cette dernière, mais par souci de fluidité, je ne vais pas moi-même inventer de faux mots à traduire, ce serait pas très intéressant. Joachim, donc, le néo-libyen avec ses cheveux blancs plaqués en arrière, qui se trouve juste devant vous alors que vous vous apprêtez à rentrer dans cette gigantesque cité portuaire, vous propose de faire une visite complète de la ville pour 10 dinars de l'heure. Il vous vend également une carte de la ville pour 20 dinars. Est-ce que cela vous intéresse? On en a des dinars? Est-ce qu'on a déjà changé les lettres de change des flux en dinars? En effet, vous commencez à vous poser la question, Jacquard, tu demandes à tes compagnons, et à ce moment-là, sans vous laisser le temps de répondre, Joachim te coupe la parole et vous n'avez pas de dinars! Ah, désolé, je n'accepte pas les lettres de change. Mais si vous voulez, nous pourrons faire un détour pour aller changer tout cela. Je sais où est-ce qu'il faut aller. Si vous le souhaitez, en tout cas. Et si jamais vous avez des questions sur où vous mettez les pieds, surtout, n'hésitez pas. Le dit-il avec son grand sourire. Je regarde les autres, je leur dis écoutez, a priori c'est un moyen comme un autre déjà de faire connaissance avec la ville et puis surtout d'avoir du dinar parce que j'ai l'impression que ça va être notre monnaie du moment. Il va falloir se prendre de nouvelles, toutes ces nouvelles habitudes. Et je te fais le Effectivement. calcul, Drake. Soit, on va vous suivre. Oui, conduisez-nous au poste de change le plus proche. Parfait, ce sera sur notre chemin, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'une carte de la ville vous serait profitable également pour suivre la traversée avec le plus de facilité possible? Pourquoi pas? Bien sûr, mais je croyais que tu n'acceptais pas les lettres de change. Vous pourrez me l'acheter plus tard. Je peux toujours vous la donner en attendant, vous inquiétez pas. Eh bien oui, nous sommes intéressés. À ce moment-là, vous voyez qu'il fouille dans le petit sac en cuir qu'il porte sur son dos et dans lequel il semble avoir eu des tas de choses enroulées. Et il vous tend une petite carte. En attendant, si vous avez des questions à lui poser, Dites-moi, l'ami, n'hésitez pas. ça fait longtemps que vous êtes sur Toulon? En effet, je suis arrivé il y a un petit peu moins de 10 ans. Vous savez, pour nous, les Libyens, Toulon s'est vite transformé comme une espèce de nouvel Eldorado. Malheureusement, je n'aurais pas eu autant de chance que la plupart de mes collègues. Ma concession a complètement coulé, je me suis retrouvé ruiné. Mais bon, je suis en vie, j'habite dans une superbe ville où les choses se passent très très bien. Nous avons la paix autour de nous, aucune guerre en cours, alors je n'ai pas à me plaindre. Du coup, je gagne ma vie comme je veux en faisant tour à quelques touristes. Je leur vends des cartes, je leur donne quelques informations sur les quartiers également. D'ailleurs, n'hésitez pas à me voir. D'habitude, je suis plutôt du côté ouest de la ville qu'au niveau de la porte ouest où vous vous trouvez actuellement d'ailleurs. Je vous donnerai tout ça. Et quel genre Je t'enverrai un de message, mais je peux pas le lire. personnes vivent à Toulon? Bon, des néo-libyens, je présume, mais qui d'autre? Cela va dépendre des quartiers. En réalité, il y a 5 districts principaux dans la ville. Celui où vous aurez le plus de néo-libyens, ou en tout cas d'Africains, sera Cour-Argent. C'est clairement le district principal de la ville. Et sur le reste, c'est relativement européen. Les cultes ne sont pas très très présents en ville. Voyez-vous, les hospitaliers et les anabaptistes et les chroniqueurs ont complètement déserté la ville après l'arrivée du culte néo-libyen. En réalité, ils ont déserté la ville avant l'arrivée du culte néo-libyen. C'est justement pour ça que le culte en a profité pour arriver sur place. D'accord. Lorsque Hamza, notre cher dirigeant, est arrivé, il lui a suffi d'une petite semaine de négociation avec les dirigeants de la ville pour récupérer cette dernière. Et comme nous allons pouvoir le voir un peu plus tard, vous dit-il en pointant une espèce de grand bâtiment au loin, que vous avez déjà vu la dernière fois, le palais, nous allons pouvoir voir tout ce qu'il a apporté à cette dernière. J'ai peut-être une question. Je n'ai pu Oui. m'empêcher de remarquer que la plupart des habitants de ce qui me semble être les habitants de cette ville semblent tatoués d'une espèce d'encre sur leur corps. Peux-tu nous donner la signification de cette chose? Oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas tatoué, mais en tout cas, l'intégralité des personnes tatouées de ce fameux symbole sont ce qu'on appelle des Touloni. Ce sont les habitants originels de la ville. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le symbole, en réalité, représente ce qu'on pourra dire, comment dire, le signe de la ville. L'ancre que l'on peut y voir, en fait, est une espèce de métaphore à la fois du côté maritime et portuaire de cette dernière, mais également du lien qui relie tous les districts de la ville. Et ces autochtones forment-ils donc la majorité de la population ? Tu semblais nous dire que les néo-libyens... En effet. Nous avons également un grand groupe de ferrailleurs qui vit dans le premier quartier vers lequel nous allons passer, celui des ferraillis. Nous avons beaucoup, beaucoup aussi de membres de la résistance, vous avez dû en croiser en chemin. Les helvétiques passent ici de temps en temps lorsqu'ils ont des permissions, mais ne restent que très très rarement. Les juges n'y ont jamais mis les pieds. Tous les cultes d'Africa, eux, sont bien évidemment très présents, surtout à court argent. Quant au reste des cultes, les Djemetan sont plutôt présents, puisqu'ils viennent directement d'Ibrispani pour la plupart. Là-dessus, mesdames et messieurs, veuillez me suivre. À ce moment-là, il vous dirige au niveau de la porte et vous fait passer cette dernière, qui est gardée par des fléaux, le fameux culte guerrier d'Africa, qui sont donc des genres de CRS avec des masques de tribus africaines et des gros manteaux de fourrure, mais qui vont avoir des gros casques militaires des boucliers anti-émeutes. Et vous atterrissez droit dans le quartier des Ferrailles. Votre périple commence donc dans le district le plus à l'est de la ville, celui des Ferrailles. Ici, vous croisez des câbles gros comme des bras et les voyez ainsi serpenter, un peu partout, sous les pavés détrempés et recouverts de planches grossières qui submergent le quartier. En fait, tout est en dessus-dessous, c'est une espèce de gros bazar, ou plutôt bordel, avec des rues pas droites, des trottoirs affaissés, des bâtiments en ruine, le tout relié un peu comme l'ont pu le faire les ferrailleurs à la main. En rajoutant des grosses planches, des gros clous, des gros câbles, tout ce qu'ils avaient sous la main en tout cas. D'ailleurs, les ferrailleurs, vous en voyez qui circulent à toute vitesse avec des charrettes à bras ou alors des brouettes. Ils vont de droite à gauche et transportent de la ferraille ou des gens, parfois même des blessés. Au loin, vous entendez un son omniprésent qui est celui du métal qui s'entrechoque. Vous entendez des discussions de ferrailleurs qui profitent de leur pause et vous entendez également le bruit de plusieurs machines et notamment de moteurs. Le quartier semble constitué d'une grande majorité d'Européens. L'ambiance y est assez sordide, mais surtout très industriel et bruyant. Vous avez vraiment un brouhaha et vous avez du mal à entendre Joachim vous parler tandis qu'il vous fait la visite. J'espère que vous aurez tous repéré sur la carte du coup votre point d'entrée. Il s'agit donc du point le plus à l'est, donc à droite, la route avec The Scorched Pass, qui est donc le chemin brûlé, que je prononce avec un très très mauvais accent, mais c'est pas grave. Comme dit, promis, j'essaierai de vous trouver la carte en français un peu plus tard. À ce moment-là, vous n'êtes pas sans vous rappeler certains quartiers, notamment celui du Technocentre, ce genre de quartier très délabré des justiciennes. Et tandis que vous traversez les ferrailles, vous avez votre ami Joachim qui vous fait la discussion. Vous savez, cet endroit n'est pas vraiment un exemple, mais vous devez avoir les mêmes emborcages, j'imagine. Les ferrailleurs vivent des heures noires depuis quelques années. Ils ne sont pas vraiment considérés par les néolibyens et ont été complètement abandonnés par les chroniqueurs. Avec tout le respect que je vous dois, bien sûr, te dit-il efflux en te regardant. De plus en plus d'entre eux rejoignent la résistance qui patrouille régulièrement ici. À ces mots, vous voyez quelques hommes en bleu militaire, vous guetter à l'ombre d'un bâtiment tandis qu'ils s'allument ce qui ressemble à des cigarettes. Chacun d'entre eux est armé d'un fusil, ce qui n'est d'ailleurs même pas le cas pour les juges de justicienne par exemple. On les appelle aussi la milice populaire, mais ne nous attardons pas trop sur eux. Je vais vous présenter le module. Vous annonce Joachim alors qu'il vous arrête devant un premier bâtiment ressemblant étrangement à un genre de kraken recouvert de plaques métalliques. Le module d'ailleurs qui, sur la carte, est le numéro 12, donc The Great Hall. Donc voilà que Joachim vous présente cette espèce d'étrange bâtiment, et vous annonce que c'est ici que l'on produit l'électricité qui alimente la ville. À ce moment-là, d'ailleurs, vous êtes bousculé par des ferrailleurs armés de bobines de cuivre et de câbles. Nous nous arrêtons pas trop longtemps, nous gênons le passage, vous dit Joachim, tandis qu'il vous dirige vers la continuité de la grande route que vous êtes en train d'emprunter. Il vous raconte également, tandis que vous traversez ce quartier, un petit peu l'intérêt de ce dernier par rapport à la ville. En réalité, vous apprenez que la moindre coupure de courant qui a lieu aux ferrailles, qui sert donc à produire l'électricité pour toute la ville, est facturée sous peine d'amende par les Néolibiens. Donc les ferrailleurs sont sans cesse sous pression parce que tout doit bien se passer. Et étant donné que c'est une des rares villes où, quasiment entièrement alimentée en électricité, ça demande une certaine gestion et les coupures de courant sont normalement évidemment très fréquentes. Mais les Néolibiens semblent quand même poser quelques limites à cela. Un peu plus loin, vous croisez un bâtiment nommé le Salon des Experts, d'après la devanture en fer gravé. En te voyant passer d'ailleurs, Efflux, un homme, pardon, semblant peser ou négocier de la ferraille, te défie d'un regard noir avant de cracher au sol. Il te regarde évidemment depuis l'intérieur du bâtiment, donc vous êtes séparés par une espèce de grande vitre complètement poussiéreuse. Si vous voulez revendre de la ferraille, je vous déconseille de passer par eux. Ils ont souffert plus que tous de l'abandon des chroniqueurs, te chuchote discrètement Joachim. Cherchez plutôt la gondole de frais. Elle achète au kilo et paye cash. C'est un bon moyen de se faire quelques dinars facilement. Et d'ailleurs, pour information, le numéro 14 représente actuellement le Salon des Experts sur la carte. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que ma vue C'est fait des marqué tours. Abandoned Alcove au numéro 14. Non, ouais, donc c'est pas celle-là, c'est moi qui n'arrive pas à voir les chiffres. Je vais me permettre de zoomer. Non, c'était le numéro 13 et le numéro 18. Je suis vraiment désolé, je vous ai dit n'importe quoi. C'est juste que de loin, j'avais l'impression de voir des autres chiffres. Donc le premier par lequel vous êtes passé, c'est The Module 18, et ensuite 13, le Salon des Experts. Et du coup, The Module, c'est Est-ce ce que tout qui... le monde s'y repère? Je vous vois pas, donc si jamais vous me faites signe, The Module, c'est la centrale je dois le électrique. dire à l'oral. Exactement. Ok, merci. Donc J'avais un le grand détail. bâtiment en acier où on produit l'électricité qui alimente toute la ville. Du coup, vous vous trouvez au niveau du Salon des Experts, donc le numéro 13, et vous êtes redirigé immédiatement vers une route, donc la route du Nord, dans l'objectif de rejoindre le prochain quartier le plus rapidement possible. Vous passez quand même devant un dernier point d'intérêt, qui sont les forges battantes. Les forges battantes, c'est donc le numéro 11. Cette fois-ci, j'en suis sûr, je ne dis pas de bêtises. Et Joachim, comme à son habitude, du coup, vous fait la petite description des bâtiments. Les forges battantes, c'est ici que les fers de l'acier, non donnés d'ailleurs, vous explique-t-il, aux ferrailleurs originaires de Franca, donc les ferrailleurs de Franca, dans le cas de Toulon, on les appelle les frères de l'acier. C'est donc ici qu'ils fouillent des tas de ferrailles, toute la journée à la recherche de quelconque objet de valeur ou simplement pour trier les types de métaux. Les tripes de métaux seront eux-mêmes expertisées par le Salon des Experts, puis envoyées soit à la fonderie pour être recyclées, soit revendues aux Néolibiens. Une fois le nord des ferraillis complètement atteint, vous bifurquez et passez au-dessus d'une espèce de grand pont pour rejoindre un nouveau quartier dont l'architecture moderne et tout en couleurs contraste énormément avec celle de l'acier désaturé des ferraillis. Les ferraillis, donc, dans lesquels vous ne vous êtes pas du tout attardé. Vous sentez que c'est pas du tout l'endroit qu'il a forcément envie de présenter aux gens qui fait venir en ville. Vous arrivez donc dans le quartier de Courargent. Et Joachim vous explique. Ceux qui viennent à Courargent le font généralement pour s'enrichir. Que ce soit grâce au trésor des anciens, à ce moment-là, vous sous-entendez, enfin vous comprenez qu'il sous-entend. En fait, il parle de pillage. Puisque les Néolibiens pillent la Franca, récupèrent tous les artefacts de l'ancien temps qu'ils peuvent y trouver et les revendent au plus cher. C'est donc une alternative aux chroniqueurs qui s'est installée ici. Et une des raisons principales pour lesquelles le culte veut récupérer ce coin, en tout cas veut récupérer l'influence, puisque les chroniqueurs n'existent absolument plus ici. Ils sont tout perdus. Ils leur font donc une nouvelle influence. Il vous indique donc voilà, que les gens qui vont à Courargent le font soit pour s'enrichir, que ce soit grâce au trésor des anciens, ou en s'impliquant dans de grosses affaires commerciales. Vous remarquez d'ailleurs qu'ici, les rues sont bien entretenues et que la population est majoritairement constituée de personnes originaires d'Africa, mais pas exclusivement. Au-dessus au-dessus du district prône l'immense palais de Hamza. Vous l'avez déjà vu de loin, mais cette fois-ci, vous pouvez l'admirer de plus près. C'est un énorme bastion de pierre blanche, avec deux grandes murailles et une gigantesque tour qui semble observer absolument toute la ville. Si vous souhaitez voir le maître des lieux, il vient saluer la foule tous les matins depuis les murailles, vous annonce Joachim. Au loin, Vous apercevez de jeunes adolescents se diriger vers un grand bâtiment de 3 étages, bâti de briques rouges et de bois. À l'université. Je rêverais d'y étudier moi-même aussi. Mais peu de chance que j'en ai un jour les moyens. Plus de 300 étudiants vivent dans ces dortoirs, dit-on. Cela fait partie des nombreuses choses qu'ont apporté mon culte à Toulon. Les portes sont d'ailleurs également ouvertes aux corbeaux, comme vous, si jamais vous êtes jeune, ambitieux et que vous en avez les moyens. Il vous montre ensuite du doigt un autre grand bâtiment très moderne. Ici, c'est le consulat néo-libyen, le cœur politique de la ville. C'est ici que sont conclus tous les accords les plus importants, le tout est dirigé par Zora, la demi-sœur de Hamza. Les bâtiments dont on parlait actuellement sont le numéro 2 pour Cour-Argent, j'ai l'impression de présenter le loto, et le numéro 3 pour le consulat néo-libyen, qui est donc le cœur politique de la ville. Suivez-moi, nous allons passer par la rue des Prêteurs, qui est donc la grande rue qui coupe Cour-Argent. Ici, vous apercevez de jeunes scribes et des marchands néo-libyens en train d'échanger, notamment les marchands qui fournissent l'argent nécessaire à l'organisation d'expéditions dans les marais. Dans de petites pièces qui bordent la rue, vous voyez les scribes consigner chaque mot et chiffre qui ressort des entretiens sur des espèces de grandes ardoises. En achetant une concession à un pillard néo-libyen sur l'entretien de sa route, d'acquisition d'artefacts et de transport des marchandises jusqu'en Africa, vous dit Joachim, tandis qu'il vous fait faire un petit détour par le port et vous arrête jusqu'à de grands bâtiments institutionnels. Les bureaux de douane sont toutes la plus grosse source de revenus de la ville. C'est le fondement du succès de nous autres néo-libyens. Enfin, surtout des autres néo-libyens. Tous les articles expédiés sont inspectés par les experts en premier lieu, mais c'est aussi le seul endroit de la ville où vous pourrez utiliser vos lettres de change. Suivez-moi, on va y faire un petit tour. À ce moment-là, vous rentrez vers ce grand bâtiment du port, le numéro 8, et vous pénétrez à l'intérieur d'une espèce de petit hall institutionnel, où vous vous retrouvez finalement assez rapidement dominé par un homme d'un certain âge, à la peau noire, qui vous regarde du haut de son comptoir, qui est surélevé par rapport à vous. Une fois arrivé à son niveau, il vous adresse la parole, et vous indique que le taux de change fixé par la Banque du Commerce pour aujourd'hui est de 20 lettres de change pour 10 dinars. Qu'est-ce que vous... Flux, bah, c'est toi qui as l'argent, tu veux gérer ça? C'est moi qui ai une grande partie de l'argent, je crois, maintenant. Je suis la plus riche de tous. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais on y... Après, Ça change. Je vais lui poser la question. Ça change beaucoup. ça varie. En fait, la Banque du Commerce fixe un nouveau taux chaque matin. Mais en ce moment, on va pas se mentir, il est plutôt bas. On reçoit beaucoup de lettres de change, donc on donne peu de dinars. Normal. Je vais en passer Mais pas beaucoup. 300. 300 lettres de change, donc, parce que je peux pas tout passer. Et voilà. Ok. Donc tu reçois 150 dinars. Flux, est-ce que tu veux faire de l'échange? Du change? Pas pour l'instant. Quelqu'un? Donc là, il nous dit que le taux de change n'est pas intéressant pour nous pour l'instant, parce que, étant donné qu'ils ont trop de change, du coup, c'est pas, ça vaut pas le coup, quoi. C'est Mais ça. ça Mais flux. bon, Ça, vous savez, le taux deviendra peut-être intéressant d'ici 1 an ou 2. Ah, d'ici un Donc an ou vous deux. allez être obligé de vendre à perte. Ouais, donc ça peut pas changer du jour au lendemain. C'est genre, ça changera dans 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Ça fluctue tous les jours, mais ça fluctue d'un ou deux dinars par lettre de change. Vous savez, moi je travaille au poste de douane de Toulon depuis maintenant 5 ans et j'ai jamais vu les lettres d'échange dépasser les dinars, par exemple. Non, c'est toujours au moins, ouais, 2 dinars pour une lettre de change. Parfois, on a même atteint 10 lettres de change pour un dinar. D'ailleurs, selon moi, ça risquerait de se reproduire, donc je serais vous, j'échangerais tout dès maintenant. Ouais, en même temps. Vous dit l'homme en question. Ouais, on y pensera demain. Ouais, on va garder quelques lettres pour rentrer chez nous, si un jour on pourra. Bon, après, en même temps, c'est la monnaie que on n'aura que sur Toulon ou c'est dans le secteur, quoi. Oui, très bonne question. Quelles sont les autres villes ou quelle est la zone sur laquelle cette zone, enfin cette monnaie prévaut sur les lettres d'échange? Tout le sud. De Montpellier à Perpignan, tout se fait en dinars. Ouais, donc Il semble qu'à Toulouse, on utilise des lettres de change. Autant Et quid de l'Aquitaine? Mais oui, il y a un serveur chroniqueur, à ce moment-là, il te regarde, Flux, qui est installé à l'Aquitaine et qui doit peut-être étendre son influence jusqu'à Toulouse, mais sans plus. Ouais, bah, autant changer nos lettres de change, évidemment, parce que là, on risque de ne l'avoir. Je ne suis pas partisan de cette idée, mon cher Torik. Si vous voulez, je peux vous proposer d'échanger toutes vos lettres de change maintenant et de racheter des lettres de change plus tard, quand le taux sera plus favorable. Non, écoutez, moi je verrai demain, je vais suivre l'avis de mes camarades. Pas de soucis, nous sommes ouverts de 9h à 19h tous les jours. Ouais. Lorsque vous ressortez du bâtiment, Joachim vous fait passer devant un autre petit bâtiment, un bâtiment cubique, militaire, qui est caché derrière une espèce de petite cour carrée et gardé par les restes d'un vieux portail qui est brinque-ballant et tient à peine. À ce moment-là, plus que jamais, vous entendez le bruit des vagues sur le port, puisque vous vous trouvez vraiment au niveau de la jetée. Le bâtiment vers lequel vous vous trouvez actuellement est le numéro 7, celui de l'orage, et il est gardé par plusieurs hospitaliers qui s'occupent de malades allongés sur des civières posées sous des tentes ouvertes à l'intérieur de la cour. Vous avez également éparpillé un peu partout dans cette dernière des caisses presque vides qui ont été déposées un peu chaotiquement tout autour. À ce moment-là, Joachim vous annonce c'est l'hôpital de campagne de l'orage. Lui aussi n'est plus que l'ombre de lui-même, si vous voulez mon avis. Mais les hospitaliers ont leur utilité de temps à autre. Il manque simplement de moyens. Nous n'avons pas forcément le temps de nous y arrêter, je pense, se dit-il en regardant Truic. Mais comme ça, vous saurez où il est. Écoutez, je pense que... Si vous insistez pour aller... Je pense que le temps, si on le veut, on l'a. En soi, vous êtes notre guide, donc si on veut s'arrêter quelque part, eh bien, je pense qu'on peut. Hein. Je vais plus juste... Vous arrêterons, plus je serai payé. Je vais juste en profiter pour toucher un mot à mes camarades, mais vous pouvez toujours continuer à raconter deux, trois trucs à mes camarades. Oh, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Et donc, nous sommes toujours dans le... Mais vas-y. Désolé, cher Joachim, nous sommes toujours dans le quartier de Cour-Argent. Oui, bien sûr, nous sommes sur le quartier Cour-Argent, au niveau du repère numéro 7 que j'ai moi-même écrit sur votre petite carte. L'orage? Oui, c'est l'hôpital de campagne de l'orage, le seul bâtiment hospitalier de la ville. Je vais, comme je le disais, le bâtiment n'est pas bien grand, mais bon, il est relativement bien situé. Je vais en profiter pour, du coup, aller voir mes camarades hospitaliers. Okay. Voilà, de tu façon... fais quelques pas, en effet, dans cette petite cour. Tu vois, la cour est vraiment très petite, très carrée. En fait, elle a l'air de faire la même superficie que le bâtiment derrière. Et les tentes qu'on a installées en extérieur semblent te faire comprendre qu'on manque de place, d'ailleurs, dans l'hôpital de campagne de l'orage. Les caisses vides semblent également te plus ou moins te faire réaliser qu'il manque de médicaments, puisqu'ils n'ont plus l'air d'avoir la moindre ressource, et peut-être même de temps, parce que pourquoi est-ce qu'ils les gardent? Alors que tu t'avances, tu vois certains des hospitaliers qui s'occupent donc des patients s'installer dans des espèces de petits lits de camp, je crois que j'ai dit civière tout à l'heure, mais c'était pas le bon terme, c'est plutôt des lits de camp, relever la tête vers toi et te regarder d'un air un peu étonné, ils ne te connaissent pas. Bonjour. Bonjour. Te dit l'un d'entre eux qui a l'allure relativement classique du famulancier. Bonjour, famulancier. Je me nomme Torik Cole. Je suis. C'est quoi, c'est médecin. Médecin de. Médecin de terrain. Ouais, c'est ça. Je suis médecin de terrain et j'arrive du hôpital. Vous venez nous prêter main forte? Bah ça, dis donc, c'est... Alors, vous ne vous manquerez pas? Écoutez, je suis désolé, je ne viens pas forcément vous prêter main forte de suite. On m'a envoyé sur une mission et je ne sais pas forcément ici, mais j'aurais besoin de quelques renseignements sur Toulon. Nous venons d'arriver et nous ne voulons pas, mes chers amis et moi, donc je montre mes camarades un peu plus je loin. Je vois, oui. Ils regardent de loin, donc ils voient Flux, Mokosh. Tout ça. Je ne voudrais pas qu'on abuse de nous et qu'on nous fasse acheter n'importe quoi ou sous prétexte que nous ne connaissons pas la ville, abuser de notre incrédulité. Vous êtes avec qui à ce moment-là? Le fameux ancien à qui tu parles regarde un petit peu et dévisage Joachim. Oui, voilà, c'est... Oh, Joachim, vous pouvez lui faire confiance. C'est vrai? C'est un néolibien, bien sûr, mais il est plutôt honnête. Il n'a pas une vie très très facile et il a tendance à faire preuve d'empathie avec les touristes. D'accord, et... D'ailleurs, je dois vous avouer que même moi, je continue de temps en temps à lui demander quelques informations lorsque je le croise en ville. Il connaît absolument tout. D'accord, le moindre recoin. Il sait où habite tout le monde. Oh, ok, mais c'est gentil, c'est bon à savoir. Et en ce qui concerne Elinar, que pensez-vous des taux de change qui sont appliqués en ville? Est-ce que c'est vraiment avantageux ou c'est juste de l'arnaque? Une catastrophe, mais malheureusement, vous n'aurez pas trop le choix. Nous-mêmes, on est obligé de passer par là. D'accord. Okay. On est en train de se battre avec l'hôpital pour n'être payé qu'en dinars désormais, mais ils refusent. Hein. Notre solde, elle est en lettres de change, on est obligé de convertir ça tout le temps. C'est un vrai manque à gagner. Hein. Chaque semaine, on y perd une somme astronomique là-dedans. Non, je suis sincèrement désolé, mais bienvenue au club. Ah, c'est pour ça que... À ce moment-là, tu vois, il s'essuie les mains couvertes de sang avec une espèce de grand tissu, les lave un peu, et te tend sa main et te dit, au fait, je me présente, Familancier Jacques. D'accord, eh bien, ravi de faire ta connaissance. Et ma collègue ici se nomme Clara Aubois. Et la collègue qui est en train de l'assister te salue également. Ok, ouais, mais elle reste à distance aussi. Parce qu'elle ne sait pas l'appeler. Je la salue également. Écoutez, à l'occasion, si je suis amené à retourner à l'hôpital, j'essaierai de plaider en votre faveur parce qu'on ne peut pas travailler dans telles conditions. Je vois que vous manquez de tout et que c'est inacceptable. C'est gentil. N'hésitez pas à passer, dès que vous en avez l'occasion, la vieille Ambre sera sans doute très contente de faire votre connaissance. D'accord, eh bien, je repasserai. C'est notre chef de clinique à Toulon. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Bon courage, en tout cas. À ce moment-là, tu vois, Je reviens vers mes camarades, et donc je profiterai... du coup, quand Joachim ne sera plus là pour leur expliquer. En effet, tu vois que l'hôpital de campagne de l'Orage n'a pas l'air vraiment la grande forme. Hein. C'est très petit, très miteux, en mauvais état. Ils ont l'air de manquer de moyens et de personnel. Malgré tout, c'est vrai qu'il faut avouer que on n'est pas dans une région en guerre. Donc, est-ce que c'est pas plus mal? T'en sais rien. Est-ce que les gens sont plus heureux ici qu'hôpital? Tu sais pas. T'auras l'occasion, de toute façon, de le découvrir par toi-même les prochains jours. D'accord. Vous repassez ensuite par le port une fois que vous avez fini. Et donc, vous longez les quais. Devant vous, vous apercevez donc les fameux gigantesques navires néolibiens. Et. Qui sont donc amarrés au niveau des grands pontons de bois. C'est ici le seul endroit où vous verrez accueillir des cargos de fret. Ils traversent la Méditerranée entière pour arriver jusqu'ici. Vous dit Joachim en vous montrant les fameux navires. Duquel d'ailleurs descendent des Toulonis, qui transportent des marchandises sous la supervision de Fléau, donc le culte militaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui semble faire office de milice à court argent. Si les ferrailles sont, aux mains de la milice de résistance, ici, c'est les fléaux. Joachim ? Oui ? Ces navires sont donc propulsés non pas par des voiles, mais... Exactement. Des moteurs ? Sont de grands navires à moteur. Et d'ailleurs, ils sont alimentés avec les tours à pétrole que vous pouvez admirer juste ici. À ce moment-là, ils vous pointent de la main. En effet, de gigantesques tours que vous pouvez voir numérotées en numéro 10, qui se trouvent juste en face de vous, de l'autre côté des quais, qui sont donc d'énormes réservoirs, mais de plusieurs milliers, voire peut-être dizaines de milliers de litres, peut-être même de millions, dans chaque réservoir, sans doute plein à craquer de pétrole, et avec lesquels ils alimentent leurs navires. Donc les fléaux, comme je le disais, donc semblent superviser en fait le déchargement des caisses par les Toulonis. Et de l'autre côté, vous avez les Néolibiens qui se trouvent derrière, assis sur des chaises très confortables et qui eux semblent tenir le compte des marchandises. Vous avez un scribe qui est lui assis, pardon, qui est justement debout, juste à côté des fameux, je connais pas le terme technique, mais des espèces de ponts de bois qu'on tend entre les bateaux et les quais. Et qui semble tenir compte de tous les déchargements. Des pontons. À un moment, il arrête avec en passant son bras un néolibien, un Touloni. Enfin, j'arrête de confondre les cultes, ça va pas le faire. Et il lui dit stop. À partir de maintenant, venez amener ces caisses jusqu'à ce navire et plus vite que ça. Il doit partir pour Montpellier dans moins d'une heure. Lui dit-il. Au loin, vous avez également de grandes grues qui transportent des conteneurs, qui les déchargent directement depuis les navires. Vous continuez de traverser, et d'un seul coup, vous entendez une espèce de grand bruit. Vous savez, le bruit du métal qui se tord sous le poids. Et vous voyez, un peu plus loin, peut-être une dizaine de mètres de vous, l'un de ces fameux conteneurs, d'un seul coup, chuter en direction du ponton. En effet, en fait, le câble qui le retient a complètement lâché. La grue, elle, commence à vaciller dans tous les sens. Vous avez quelques morceaux de métal qui partent sur le côté. Le conteneur s'écrase, mais d'une puissance inimaginable. Il doit faire plusieurs tonnes, le truc, sur le ponton. Et heureusement, personne ne se trouvait en dessous. Et vous voyez d'ailleurs des tas de projectiles en bois propulsés dans tous les sens. Vous avez même au loin un des Toulonis qui se prend quelques morceaux projetés directement dans la jambe. Et qui se met à tomber au sol et à crier de douleur. À ce moment-là, vous voyez le troisième culte originaire d'Africa, qui sont les Anubiens, accourir. Eux, c'est un petit peu le culte médical d'Africa. Vous avez donc les Néolibiens pour le côté commercial marchand, les fléaux guerriers, et tout ce qui est un petit peu... Je sais pas si voodoo est le terme, mais... médecine alternative, en tout cas gérée par les Anubiens. Puisqu'en effet, ils vont pas lui appliquer les premiers secours comme le feraient des hospitaliers lorsque ce genre d'accident arrive à Justicienne, vous en avez déjà vu. Ils vont pas lui faire un bandage, une attelle, ou le déposer sur une civière et l'emmener en direction d'une caserne. Non, ils lui font boire un genre de thé et enduisent sa jambe blessée d'une espèce de baume qu'ils sortent de petits récipients qu'ils transportent. Vous comprenez également, en voyant ça, que les Anubiens ont très clairement plus de poids à Toulon que les Spitaliers, que vous venez de croiser, qui eux étaient dans un endroit complètement miteux. Du coup, tandis que vous vous dirigez vers la sortie un petit peu du quartier, pardon, enfin du port, pardon, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Vous avez Joachim qui est là, un peu redescendu son espèce de côté jovial qu'il avait pour le moment, et qui vous dit je suis sincèrement désolé que vous ayez vu ce genre de choses. Ça doit pas vous donner une très bonne opinion de notre ville, mais non, je dois avouer que ces accidents sont loin d'être rares, mais comment dire, le commerce des richesses et tout l'argent, tous les dinars qui en découlent, sachez-le, sont vraiment indispensables au bon maintien de la ville. Sincèrement, je sais pas trop d'où vous venez, mais si vous l'aviez vu avant notre arrivée, c'était impossible. Mais laissez-moi vous changer les idées, nous allons passer vers sans doute votre futur coin préféré de la ville, l'axe d'argent. Sur la carte, il ne s'agit pas d'un endroit numéroté, mais du coup de la route nommée Silver Axis, de cours argent. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Sans de vous repérer, là voilà, vous avez fait votre petit tour par le port. Cette fois-ci, vous avez fait le tour, hein, étonnamment, lorsqu'on est dans les ferrailles, on vous fait passer directement par la route la plus courte. Mais là, on vous fait vraiment le grand tour, on vous fait longer la route. Et l'axe d'argent, en effet, est un endroit qui vous fait complètement un peu changer d'idée, puisque vous découvrez une route badigeonnée de chaux, et qui vous donne du coup une vue sur la partie ouest du palais. Ici, vous avez des centaines et des centaines de commerçants, d'Africa et même de Franca, qui se réunissent et semblent proposer des marchandises à tous ceux qui peuvent se les offrir. La rue est bondée de monde comme pas possible. Vous y trouvez absolument tout ce qui peut avoir de valeur. Des fruits exotiques, comme des bananes, des olives ou des oranges. Pour vous, des olives, c'est un fruit exotique, enfin, c'est quelque chose d'exotique, vous n'en avez jamais vu. Vous voyez également, du coup, donc ces fameux fruits dont vous ignorez même les saveurs, hein, vous n'en avez jamais mangé. Vous voyez des animaux en cage, des papillons, des oiseaux, ou même des babouins, des macaques aussi, qu'on semble vendre aux gens qui passent par ici. Vous avez des épices, des pierres précieuses, des livres, et même dans certaines boutiques, qui sont elles plus à l'écart des étals, vous voyez au-delà des vitrines, qui elles sont complètement impeccables comparées à celles que vous avez vues dans les ferrailles, d'authentiques œuvres d'art de l'ancien monde. Les baraques alentour, tout autour de la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous le voyez, sont drapées de tissus colorés. Vous avez les marchands qui annoncent le prix de leurs marchandises à haute voix, et vous entendez même de la musique résonner dans ce coin de la ville. Un peu plus loin, assis sur des stands, vous voyez des hommes et des femmes de tous les horizons en train de boire du café et du thé dans des espèces de cornes de vache. De l'autre côté du marché, vous apercevez un grand entrepôt, lui gardé par des fléaux. Joachim semble vous parler durant toute la traversée, mais vous n'entendez absolument rien à cause du brouhaha ambiant entre les marchands qui justement crient leur prix plus fort que celui d'à côté, les jambes qui semblent savourer, et le fait que vous avez vraiment une forte population qui est réunie ici. Vraiment, la rue est bondée de monde. Vous êtes obligé de presque pousser les gens qui se précipitent vers les étals. Enfin, c'est vraiment un endroit, faut pas être agoraphobe, quoi. Heureusement, vous arrivez, après avoir fini de traverser complètement l'axe d'argent, à vous libérer de cette foule, et vous arrivez droit devant un ensemble de solides constructions en bitume, avec de grands murs défensifs recouverts de barbelés, ainsi que des crânes humains, visiblement, et des masques de fléaux accrochés qui ornent l'entrée. Cette zone-là de la ville, c'est la zone numéro 6 indiquée sur la carte. Construction helvétique. Cela sert désormais de caserne pour la meute d'Ayoubou, le cousin de Hamza. C'est lui qui gère tous les fléaux de la ville, le chef de la garde, si on peut dire. Pas grand chose de dire, pas grand chose à dire à propos d'eux. Je sais pas comment ça se passe, vous, en Borka, mais sachez qu'ici, la justice a tendance à être soit populaire, soit à être celle des néo-libyens impliqués en ville. On n'a pas de table des lois ou quoi que ce soit. J'ai entendu parler de ce genre de truc chez vous, du codex, je crois. Mais, disons qu'il vaut mieux être en bon terme avec les gens qui se trouvent ici si jamais vous commettez un crime, sinon vous allez finir accroché à quelques pierres et être jeté du haut d'un navire au large. Sachez cependant que, dans leur intime bonté, vous diront les fléaux, même si je ne partage pas vraiment cet avis, si jamais vous arrivez à vous en sortir et à rejoindre la rive, vous serez considéré comme gracié de tous vos crimes. Mais là, on parle vraiment des plus grands crimes. Un voleur ne subirait évidemment pas ce genre de choses. Là-dessus, je vous présente le nouveau pont qui, celui-ci, va nous permettre de quitter Courargent pour rejoindre le nouveau district ou quartier, cela dépend de l'usage, qui est celui des Terres Putains. Vous passez donc ce pont et rejoignez le quartier des Terres Putains. Ici, l'ancien rejoint le moderne. Les Terres Putains accueillent une espèce de melting pot de culture. Vous avez des familles traditionnalistes, des colons récents et même des acolytes de la résistance armée qui semblent côtoyer des apocalyptiques venus de différentes cités. Vous les reconnaissez très, très clairement. Vous voyez également des irréguliers de la ville, des pionniers et même ce qui semble être des chasseurs des marais. Vous arrivez donc au niveau du chiffre, cette fois-ci numéro 26. Vous venez de passer le petit pont qui relie Courargent aux Terres Putains. Et vous vous trouvez devant ce qui semble être une espèce de grand abattoir. Vous avez au sol ce qui semble être du sang un peu encore humide sortir et sans doute de bêtes qu'on a ouvertes et qu'on a transportées à travers les rues autour de l'abattoir pour aller les découper. Tandis que à l'avant, des gens vendent quelques grands morceaux de viande. Vous avez également des marchands qui se déplacent par ici et qui semblent acheter de grandes quantités et vous pour les ramener un peu plus vers le sud de la ville. Vous commencez à avoir de plus en plus de mal ici à comprendre l'accent des gens. quand il parle, notamment pour ceux qui sont pas habitués avec le langage francéen, ça sonne vraiment pas du tout comme en Borca. Et même si vous connaissez certains mots, c'était beaucoup plus compréhensible quand vous vous trouvez par exemple à la ville de Bacham que ici, où comme je dis, voilà, l'accent en rajoute vraiment une paire. Vous traversez donc ce quartier, donc les terres putains, vous commencez à vous diriger vers le sud, et assez rapidement vous arrêtez de compter toutes les tavernes que vous croisez, où les jeux d'alcool et de hasard semblent abonder comme pas possible. De temps à autre, vous distinguez des silhouettes dans certaines ruelles, assis sur des tonneaux qui semblent être en train de jouer aux cartes, et fumer, pareil, des cigarettes ou des cigares. Vous voyez justement cette petite fumée qui s'en dégage au loin, c'est comme ça que vous pouvez les distinguer, ou parfois la lumière d'une petite flamme en train d'allumer ces derniers. Joachim, lui, semble un peu plus mal à l'aise dans ce quartier, et vous fait un peu la discussion, mais un peu moins enthousiaste. Autant vous dire que si cet endroit est assez bien fréquenté le jour, je vous recommande de faire attention la nuit. Les apocalyptiques ont élu domicile dans les sous-sols. Remarquez, c'est peut-être le meilleur endroit où traîner. Si vous voulez trouver un chasseur de primes, faire disparaître... ou traîner, pardon, si vous voulez trouver un chasseur de primes ou faire disparaître quelqu'un dans les marais. Ici d'ailleurs, la population est de nouveau très européenne. Seul le cours argent semble être majoritairement africain comme carte. L'ambiance, du coup, dans les terres, putain, semble relativement électrique, bizarre et même parfois un peu agressive. On vous regarde avec d'étranges airs, il semble y avoir une population plus fréquentable. Un peu plus loin, en descendant le long du quartier, au niveau du numéro 20 indiqué sur la carte, vous tombez sur une espèce de grande écurie entourée d'une clôture de plaques d'acier rouillé. À ce moment-là, Joachim vous annonce qu'il s'agit de camp résistance. La résistance répandue dans les cités côtières est devenue le bras armé du peuple. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On les a croisés tout à l'heure dans le quartier des Ferrailles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance s'est déclarée protectrice de Franca. Et qu'elle est relativement acceptée par les autres cultes. En fait, les Spitaliers ont toujours besoin de volontaires pour les aider à combattre l'amorce dans le nord du pays. Les Néolibiens, eux, ils peuvent assigner leur fléau ailleurs, grâce à la présence de cette milice locale. Et le peuple, de son côté, peut compter sur eux pour garantir l'ordre et la paix dans nos quartiers. Dans le camp, même si on ne pourra pas les voir à cause des murailles, sont abritées de nombreuses troupes auxquelles on enseigne les valeurs morales de la résistance. Si jamais l'envie vous en prend, n'hésitez pas à vous rendre les voir pour vous engager. Après être passé sur un autre pont, toujours dans le même quartier cependant, vous croisez plusieurs groupes de néolibiens, résistants et toulonnis qui entrent et sortent de grands bâtiments tapissés de drap rouge. Joachim, à ce moment-là, presse le pas plus que d'habitude. Ça, il s'agit des Maisons de la Honte, le repère de nombreuses nuées, tenues par des pies. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous raconter ce qui s'y passe. Tout ce que je sais d'autre, c'est que vous pouvez louer des bains accompagnés au sous-sol si jamais l'envie vous en prend. Vous êtes ensuite étonné de sentir quelques odeurs fort appétissantes. Oh, ça vient de la moule là-bas, sur les quais. C'est un restaurant couvert spécialisé dans les grillades. Maintenant, l'aubergiste est vraiment très agréable à regarder, si vous voulez mon avis. Vous finissez votre traversée des terres putains par le cirque. C'est un joli bar en bois avec des tabourets déposés le long d'un comptoir étroit. Les Helvétiques y sont accoudés et se servent un dernier verre avant de repartir en direction de Cour Argent, projetant sans doute d'atteindre le chantier Morvan avant la tombée de la nuit. Une fois le quartier complètement traversé, vous arrivez au niveau d'un dernier pont, celui de Port-la-Gagne. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, j'y pense maintenant. Vous n'avez pas vos chevaux actuellement avec vous, ni ta moto... Mokosh, mais tout a été déposé à l'entrée de la ville. Voilà. Tandis que vous rejoignez cette fois-ci le nouveau quartier, celui de Port-la-Gagne, au sud donc, vous commencez à voir qu'ici Joachim est parent beaucoup plus à son aise. Des gens le reconnaissent, des gens lui échangent quelques dinars contre quelques informations. T'aurais pas vu les Helvétiques toi? Si, on les a croisés tout à l'heure, tu vas pouvoir aller les voir. Le gars lui jette une petite pièce. Et puis le Toulonni qui lui pose la question s'en va dans la direction indiquée. Des gens lui demandent également où se trouvent certains bâtiments. Il semble avoir une certaine popularité en ville. Pourtant, la ville est relativement peuplée, peut-être autant que justicienne, même si elle est conçue différemment. Ah, Port-la-Gagne. Le port qui s'y trouve fait vraiment la fierté de la ville. À l'origine, les clans se trouvaient dans cette baie plate et chaude pour récolter les huîtres. Leurs membres construisaient des bateaux de pêche pour récolter les bienfaits de la mer, puis chantaient à tue-tête. Buvaient des infusions d'algues et d'huile de poisson et s'inventaient des mythes pour expliquer leur présence sur les plages. Sachez-le, Port-la-Gagne est toujours l'âme de la ville. C'est un endroit très animé, mais surtout très sociable. et digne de la nourriture. Ouh, pardon, est digne. La nourriture que vous y trouvez aura toujours été pêchée le matin même. Vraiment, vous ne trouverez pas viande et surtout poisson plus frais. D'ailleurs, en traversant le quartier, vous passez devant de nombreuses épiceries. On n'est pas clairement pas au niveau de richesse, de coût argent, mais ça semble être le deuxième plus grand quartier de la ville. Vous passez également devant des ateliers, des manufactures, où on semble y façonner de l'or, de l'argent et des gemmes. Vous voyez des sculpteurs, toulonnais, qui créent des compositions serties d'ivoire et de perles. Des fabricants, eux, construisent, ou en tout cas proposent, des arcs ou même des filets. Vous voyez des tisserands, des bijoutiers, habiter dans des boutiques où ils peuvent exposer leurs produits et attirer l'attention des riches néolibiens, d'Ibris espagnols et même de purgans qui visitent les étals pour embellir leurs fusils, leurs registres de comptes ou leurs urnes. Joachim vous y fait faire le grand tour. Vous passez d'abord par l'incroyable marché aux poissons, qui est très animé et où les pêcheurs exposent leurs marchandises et les vendent à haute voix dans un vacarme sans nom. On est vraiment là face au cliché du marché où tous les prix sont bons à prendre. Pour le marché, il me semble qu'il s'agit du numéro 27 exactement sur la carte. Il est donc vraiment au niveau du port. Donc vous avez traversé tous les petits coins avec toutes les boutiques et vous vous trouvez cette fois-ci à ce niveau-là. Je précise, ça fait beaucoup d'informations, j'en ai conscience. Oui, vas-y. C'est quoi? C'est comme genre une criée, quoi. C'est l'endroit où les pêcheurs arrivent, ils débarquent le truc et tout. Exactement ça. Okay. Exactement ça. C'est vraiment, ça gueule dans tous les sens, c'est juste pas fortuné comparé au dernier, à l'axe d'argent où vous étiez allé, quoi. Je précisais aussi, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais de toute façon, c'est plutôt roleplay, et là, vous baignez dans une culture que vous connaissez pas du tout, vous avez l'habitude de Jussienne qui est très droit, avec des juges sur des murs qui regardent la population en dessous, et des appels des chroniqueurs diffusés en ville, mais vous pourrez poser des questions plus tard, et de toute façon, voilà, il va falloir vous y faire au fur et à mesure. Joachim donc vous a fait faire le grand tour, vous passez par le marché aux poissons, et vous passez par la suite par l'hôtel de ville, qui semble être le siège de Toulon, et qui d'après Joachim, est également appelé forteresse de Toulon. Il s'agit cette fois-ci du numéro 28, mais autant vous le dire tout de suite, il s'agit plus d'un hôtel de ville que d'une forteresse. On y a affiché quelques drapeaux, celui de Toulon, mais certains d'autres que vous ne connaissez pas, vous supposez qu'il s'agit d'autres clans qui doivent se mélanger avec Toulon. Il ressemble à quoi le drapeau? La forteresse de Toulon, le numéro 28 sur la carte. Qu'est-ce qu'il y a? Il ressemble à quoi le drapeau de Toulon? Si tu peux nous le décrire. Le drapeau de Toulon, c'est vrai que je ne voulais pas redonner, mais dans l'aide de jeu, je vous ai posté un Toulonnais qui a justement le drapeau sur le tatoué sur le bras. C'est le symbole tout en haut. Où justement on a une espèce d'encre marine de trait droit qui représente aussi justement les quartiers de la ville. D'accord. Dans tous les cas là, j'ai décidé de... Normalement j'ai pas mal d'aides de jeu, j'en ai vraiment beaucoup. Je vous les ai pas toutes postées, je le ferai plus tard parce que le problème c'est que vu que j'ai une connexion qui est un peu brinque-ballante, si jamais je vous balance 15 000 images, parce que vraiment je vais en avoir peut-être une vingtaine, ça va faire beaucoup et je préfère pas faire défiler ça toutes les deux secondes, choper mes images, les reposter. Je m'occuperai de ça tout ça tranquillement après la partie. Pour l'instant, je vous laisse vous imaginer les quartiers. J'essaie de les décrire au mieux par rapport à ce que j'ai sous les yeux. Et puis, vous pourrez évidemment avoir des petites illustrations pour chaque quartier un peu plus tard. Donc, comme je le disais, la forteresse de Toulon, qui est en fait un vieil hôtel de ville avec une apparence un peu misérable, des briques délabrées et donc ces fameux drapeaux un peu poussiéreux qui flottent à l'air, qui flottent au vent. Vous y arrêtez pas plus que ça, vous repassez ensuite, parce que là ça fait déjà un petit moment que vous marchez, mais derrière la ville est assez grande, là vous commencez à en avoir plein les pattes, ça fait peut-être un peu plus d'une heure, facile, même peut-être deux que vous êtes parti, vous avez pas le compte du temps. Donc vous repassez par quelques épiceries, et découvrez notamment par contre la baie aux huîtres, où des ostréiculteurs naviguent dans le limon, qui leur monte quasiment jusqu'aux genoux, et frappe avec de longs bâtons des mouettes qui tentent de leur choper les huîtres qu'ils ont ramassées. Vous voyez que ici, Port-la-Gagne semble être vraiment le quartier de pêcheurs. On avait le quartier des ferrailleurs, celui des néolibiens. Les terres putains, qui est donc lui le quartier où il y a un petit peu de tout. Port-la-Gagne, c'est vraiment le quartier des pêcheurs, des Toulonnais. Vous croisez quelques Djamétanes aussi, en déplaise aux anabaptistes qui se trouvent ici, qui sont d'ailleurs très mal perçus par les fameux Djamétanes. Sans doute que les anabaptistes, on les a pas vus depuis un bon moment en ville. mais on aura l'occasion de s'attarder un petit peu plus tard. Donc ici, c'est vraiment le quartier à pêcheurs, et sans doute que voilà, le tout venant essaye de choper du poisson ou des huîtres qu'il va lui-même revendre sur le marché, soit lui-même, soit à quelqu'un qui le revend pour lui. Et c'est comme ça que les gens semblent survivre en ville. Vous marchez. C'est des huîtres sauvages? Oui. Qui sont pêchés, c'est pas genre des champs? Oui. Non, là c'est sauvage. D'accord. Il y a peut-être des champs un peu plus tard, mais celles-ci sont complètement sauvages. Ouais. Pareil. Non, on verra ça plus tard. Vous marchez ensuite jusqu'à une ancienne chapelle abandonnée. Et là, Joachim vous annonce. Ça, c'est la sacristie rouge. C'était l'ancien QG anabaptiste. C'est aussi ici que s'arrête notre trajet. Le dernier quartier, tout au sud, Saint-Chenil. Comment dire? C'est un refuge de malades, de lépreux et de sans-abri. Si vous y allez, vous pourrez tomber sur des endroits tout aussi misérables les uns que les autres. De l'orphelinat à cette chapelle où le Jemetan s'occupe de ces sans-abri qu'il retrouve et rassemble pour une raison qui me dépasse complètement, même si j'admire sa générosité, évidemment. Vous pourrez également, si jamais vous choisissez de vous y rendre, tomber sur la digue, d'où décide de se jeter tous les malheureux qui ont décidé d'en finir avec cette triste vie. Pauvres gens. Bon, si vous avez des questions tout genre, n'hésitez pas, j'ai conscience que ça doit vous changer de la barca. Sinon, écoutez, je vous propose de nous trouver un petit endroit où manger. J'ai une petite question. D'ailleurs, pour cela, oui. Comment vous appelez cette chapelle? Tout ce que vous voudrez. La sacristie rouge. La sacristie rouge, d'accord. Ils ne semblent pas être là, en tout cas je ne les vois pas, mais normalement il y a des anabaptistes qui vivent, vous pourrez peut-être faire ami-ami. Dit-il évidemment à Mokosh et Lito. Donc, et plus loin, donc vous nous dites que c'est la digue où les gens viennent se suicider, clairement. Hein. Oui, mais tout ceci, voilà, c'est Saint-Chenil, c'est vraiment l'endroit le plus pauvre de la ville et le plus misérable, malheureusement. Ouais, c'est bien triste. Bah, c'est un repère de lépreux, de malades en même temps. Alors, je regrette d'avoir ce genre de pensée, mais peut-être que c'est pas plus mal pour éviter la propagation des épidémies. Qui sait. Et donc, même les puissants Zanubiens sont incapables de contenir, enfin, d'éradiquer, en tout cas, la lèpre de leur ville. Eh bien, ils ont déjà réussi à épargner 4 quartiers sur 5. Ce qui n'est pas sans effort, je ne porte pas de jugement personnellement, mais je ne suis pas sûr que les hospitaliers auraient pu réussir avec, avec leur méthode un peu douteuse, si vous voulez mon avis. Enfin, je veux dire. Non, excusez-moi, ne le prenez pas mal, mais je. Enfin, voilà. Ah, vous avez... Comment soigner les gens en étant en désaccord avec les principes des dieux? Vous avez failli perdre votre pourboire. Les maladies sont par définition un gourou qui s'abat sur nous. Bon. Nous n'avons pas la même conception des choses, mais je vais essayer d'être compréhensif aussi des bons choses. Je ne voulais pas vous enfoncer, excusez-moi. J'ai conscience qu'il y a énormément de choses en ville dont je ne vous ai pas parlé, énormément de coins, de lieux. Malheureusement, voilà, j'imagine que vous avez prévu d'aller dormir au bout d'un moment, donc je n'allais pas m'arrêter devant chaque bâtiment pour vous raconter son histoire. Pourtant, sachez-le, je la connais. À l'occasion, si vous voulez, vous pourrez revenir me trouver, et si vous cherchez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si jamais vous ne me trouvez pas, vous pourrez croiser d'autres de mes collègues. On est facile à reconnaître, on est des jeunes, généralement, néo-libyens, qui nous baladons en ville avec les cheveux teints en blanc. Pour rappel, ses cheveux sont blancs. C'est un petit peu notre signe de reconnaissance. Et la plupart travaillent pour moi, je dois avouer. Je leur ai raconté tout ce que je savais sur la ville. Et nous faisons un peu office de crieur public. C'est malheureusement le sort des néo-libyens qui ratent leurs entreprises en ville. Dites-moi... Mais comme je dis... Oui, vous avez, enfin, on peut se tutoyer peut-être maintenant. Hein, maintenant ouais. Tu évoquais tout à l'heure un endroit pour dormir. En même temps, c'est vrai que nous ne connaissons pas le coin. Et si tu peux nous indiquer un endroit alors plutôt propre, mais à la fois pas forcément quelque chose de très onéreux. Très bien, pour cela, je vais avoir ce qu'il vous faut. En effet, je vends également, si jamais cela vous intéresse, sachant que vous me devez déjà 40 dinars, 10 dinars de l'heure donc pour les 2 heures passées ensemble et 20 dinars pour la carte. Je propose pour 20 dinars supplémentaires ce que je pourrais appeler un guide de la ville, dans lequel vous pourrez retrouver de nombreuses informations très intéressantes, telles que où vous nourrir, où vous loger. Est-ce que cela vous intéresse ? Écoutez, je ne suis pas seul à décider, nous allons en discuter avec mes camarades. Cela pourrait nous être utile. Comment on l'avait à vous appeler ce guide ? Le guide du Rhône. Mais il n'est pas complètement fini. Il faudra revenir me voir de temps en temps pour que j'écrive la suite de ce dernier. Mmh. Eh bien, qu'en pensent les détenteurs de nos fonds Moyennant quelques lettres de change. Évidemment. Quelques dinars, pardon. Ah, c'est bon, vous l'avez dit. Avez-vous apprécié votre tour en ville? Sinon, j'espère que... C'était... Cela ne vous aura pas déplu. J'avoue que j'ai beaucoup parlé. C'était fort instructif. Je t'en remercie. On n'aurait pas pu faire mieux en tant que guide. J'avoue que nous avons eu un descriptif de Toulon assez précis. J'aurais presque l'impression d'avoir toujours habité à Toulon. Et ben, c'est exactement ce que je suis très heureux. Je sens déjà l'accent me conquérir. Alors, je sais pas si. Pardonnez-moi, sinon. Mais je mets un temps fou à retrouver ces documents. À ce moment-là, il s'arrête au milieu de la route et ouvre son sac. Je suis sûr que j'ai dû le mettre quelque part par ici. C'est une manière méta de dire que ma connexion est lente et que le document va mettre un moment à arriver. Pendant que tu cherches, nous allons un petit peu discuter avec mes camarades. Alors, ne t'offense pas si nous ne restons pas à côté de toi. C'est que, bon, nous aimons à discuter un peu des choses financières un peu en privé, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je reste à côté. Et ce n'est pas une manière détournée de dire que nous allons nous enfuir sans payer. Oh, vous ne pourriez pas partir bien loin. Je vous rappelle que je connais tous les coins de la ville, tous les raccourcis. C'est pas faux. Je sais, je plaisantais. C'est le... Et que sans vouloir vous offenser, un hospitalier, un chroniqueur, un juge et un... J'ai dit d'hospitalier, je crois. Deux anamétistes, pardon. Oui. Ne passe relativement peu inaperçu. Excusez-moi, j'ai tendance à confondre les cultes et les clans. C'est une maladie qui nous atteint de plus en plus dans le sud. On a tellement plus l'habitude de les voir, vous savez. Du coup, bah, on s'écarte, hein, j'imagine, qu'on peut discuter un peu à l'abri des oreilles indiscrètes. Ouais. Donc, écoutez, mes chers amis, j'ai bien conscience que on est peut-être dans une ville qui nous est un peu inhospitalière, surtout pour vous deux. Hein, donc je regarde Mokosh et Flux. J'ai pris le temps tout à l'heure de discuter avec mon camarade hospitalier pour en savoir un peu plus sur la véracité de tout ce que notre guide nous a dit. Et notamment sur le dinar, qui, c'est vrai, le cours a l'air être assez élevé. Mais malheureusement, selon ses dires, il dit vrai. Le dinar écrase littéralement la lettre de change. Et c'est pour ça que l'hôpital de campagne est juste sans le sou. Ils vivent ils doivent soigner les gens avec rien du tout. Ils ont beau essayer de demander au hospital de les payer en dinars, enfin, ils refusent. Du coup, ils perdent sans cesse de l'argent à cause de ça. Il m'a aussi parlé de Joachim et m'a dit qu'on pouvait lui faire confiance, que c'était un, même s'il est néo-libyen, que c'est quelqu'un de plutôt honnête et qui, de par son statut, qui dans les néo-libyens est assez bas, il ne représente pas grand-chose. Du coup, il a conscience que il est plus sympa d'être de notre côté que de l'autre côté, si je puis dire. Du coup, il m'a dit qu'on pouvait lui faire confiance. Voilà, maintenant que je vous ai dit ça. Voilà. Bien, pour nous en assurer, je propose que nous faisions moult répailles et que nous le saoulions à mort afin qu'il nous raconte tout. Et c'est absolument et uniquement pour ça que je veux que nous allions dans la taverne la plus proche. Et absolument aucun souci personnel. Avec quelconque substance. Avez-vous une idée parmi les coins devant lesquels nous sommes passés sur où vous aimeriez vous rendre? Nous sommes par exemple devant passer devant, je sais pas, le restaurant de la Moule qui aurait peut-être pu vous égacher de par son odeur alléchante. Alors c'est qui? C'est le MJ ou c'est Joachim qui parle? C'est Joachim qui parle là. Mais il est pas censé être à côté de nous là. je considérais que vous aviez. D'accord. Excuse-moi alors. Ben non, là on est censé être tous les quatre. Même si Flux et Mokosh, continuent à ne pas parler alors qu'on est censé être que tous les quatre, mais je ne sais pas. Ah, moi je suis le groupe. Hein. Bon alors Flux. J'ai pas grand-chose à dire pour le moment. J'observe, je vois comment ça se passe. Il a l'air plutôt honnête pour ce que c'est. Après je lui fais pas entièrement confiance. Je pense que c'est ce qu'il faut. Mais sinon, pour l'instant, enfin, ça se passe relativement bien par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Mais je suis silencieux, j'observe. Du coup, est-ce que on lui prend son guide du routard, si je peux appeler ça comme ça? Oui, tout à fait. Ouais. Je le recommande parce que je passe une demi-heure à le plaudre. Eh bien, moi, non. J'ai envie de parler de l'autre qui arrive. On n'en a absolument pas besoin. Franchement, je pense qu'on peut s'en passer. Je trouve que ce serait formidable. Je pense même. Alors, on m'a demandé au MJ de nous faire une ristourne. On m'a demandé au MJ de nous faire une ristourne. Je te rends ta carte et je te paye que 2 dinars. Ouais, exactement. Du coup, c'est combien? C'est 20 dinars, tu nous as dit? Ouais, mais c'est Mokosh, ouais. Qui a l'argent. Donc... Tiens, voilà. Alors, tu vois Mokosh à moitié allongé sur le sol, comme ça. Non, mais par contre, il faut faire rien, parce que ça fait quand même 60 dinars qu'on dépense. Voilà, faut pas qu'on se retrouve à la rue. J'ai compté. Oui, c'est ça, oui. Ouais, 40 plus 20, c'est 60. Surtout que voilà, on en avait que 150 pour l'instant. Ça fait déjà 110. Je vois le mec 190. Non, mais j'ai compté, ça fait 80 dinars. Oui, non, mais je suis honnête. Donc il nous reste plus que 80. Il nous reste plus que 90 dinars là. Oui, mais après honnêtement, on prend un hôtel, on mange, et puis c'est tout. On l'achète un poids, c'est tout. Ça va nous être très très très utile, et puis voilà quoi. Ouais, bon après il faut voir combien la bouffe va nous coûter, hein, parce que 70 dinars pour deux steaks. J'ai posté dans l'aide de jeu quelques prix moyens de la nourriture à Toulon. C'est évidemment pas exhaustif, hein, je l'ai précisé en dessous de chaque truc. Donc là vous pouvez voir à peu près pour combien vous pouvez vous nourrir. Si donc vous regardez le document, vous le demandez à Joachim, vous voyez que par exemple, mais vraiment vous n'avez pas d'argent, vous pouvez par exemple vous nourrir pour 2 dinars par personne. Au niveau des ferrailles, mais que c'est pas forcément le plus recommandé. En tout cas, il faut aimer les bouillies de cafards et de tubercules. Et sinon, en fonction des quartiers, bah, vous allez accéder à quelque chose de plus ou moins bon. Évidemment, au niveau de Port-Lagan, vu que c'est le quartier très portuaire, vous allez avoir beaucoup de poissons, beaucoup de choses très fraîches, mais du coup, mais très bonnes. Les terres putains, ça se désole un petit peu, c'est surtout des restes de Port-Lagan qu'on va vous cuisiner, ou alors la viande. De l'abattoir. Évidemment, si jamais vous avez la cour argent, alors là, c'est très cher, mais c'est vraiment très festif. Vous avez de tout et de tous les horizons. Et à Saint-Chenil, évidemment, là-bas, on ne vend pas d'argent, enfin, on ne vend pas d'argent, on ne vend pas de nourriture. Il n'y a aucun commerce, il n'y a même pas officiellement de maison, ni quoi que ce soit à vendre. C'est vraiment là où on jette les gens qu'on ne veut pas dans les rues. Ou généralement, ils y vont par eux-mêmes. Ouais, ben, ça va être compliqué quand même, parce que quand tu vois les tarifs, sachant qu'il nous reste 90 dinars, et ça, c'est pour la nuit. On va pas acheter. Enfin, non, mais tout de suite, et puis après. Ah, c'est loué à la semaine. Ah, attends, j'ai même pas fait gaffe. Oui. Loué à la semaine, oui. Honnêtement, moi je suis pour qu'on fasse un projet économique. On va à Ferrailly, on bouffe là-bas, on mange et on vit là-bas. Combien C'est clairement ce qui nous coûte le moins cher. Combien de temps on est resté sur ce plan? Recommandation, ne vous approchez pas trop des Ferrailly, les gens là-bas ne sont pas très très fréquentables. Cependant, au moins les terres putains seront peut-être plus accueillantes. Vous pourrez y manger, y boire dans quelques bars et même loger. Oui, mais bon. Après, on peut quand même s'en sortir. Ce n'est qu'une pure recommandation personnelle. Mais pour répondre à la question, le temps qu'on reste, c'est le temps de toute la mission. Donc, on va pas partir d'ici. D'accord. Bah, du coup, moi, là où où je suis censé travailler, c'est à l'hôpital où j'étais tout à l'heure. Oui, l'hôpital de campagne. Attends, et moi, j'étais en train de lui dire, mais non, mais je reste. Du coup, j'avais pas percuté sur le coup. Mais ok, bah, du coup, faudra que je retourne là-bas, que je me présente, du coup, pour savoir combien ils vont me donner d'oseille. Mais ils ont l'air de pas avoir de thunes, donc je vais pas aller bien loin, quoi. Si jamais vous avez besoin d'argent, je peux vous recommander quelques moyens efficaces de vous en faire. Bon, oh, c'est légal. Ça, ce sera pour mon coche, ça. Tant que c'est légal. Pour mon tout est légal. Il n'y a pas de souci. Oui. Et je rappelle, ce qui est légal est confiné là-dedans. Du coup, je suppose que ce que tu viens de nous donner est dans le guide du routard qu'il nous donne pour 20 dinars. Exactement. Ok. Bon, c'est bon, on n'a pas payé de la donner. Ah non, ouais. En fait, c'est pour ça qu'il a niqué son business, parce qu'il ne savait pas compter. Ouais, voilà. il est trop con. Il présente la marchandise d'abord, et après, je dis, ah non, mais j'en veux pas. Et il tente tout lire. Oh, écoutez, je sais très bien que vous n'allez pas me voler. Je connais à peu près la moitié de la résistance en ville. Vous ne voudriez pas vous les mettre à dos dès votre premier soir. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, bah, du coup, où est-ce que vous voulez qu'on aille, mes chers amis? J'ai déjà parlé. Eh bien, Mokosh, tu préfères qu'on aille comme le veut Efflux dans le quartier des Ferrailles pour se nourrir et dormir, ou peut-être dans les terres putains? Mais moi, je me demandais, cette fameuse sacristie rouge, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on crache là-dedans? Oula, ah oui, on peut. Bien. Si les anabaptistes vous y autorisent. Ah oui, bah, après tout, si jamais plus personne l'utilise, ils n'auront pas d'inconvénients à ce qu'on foute nos couchettes là-dedans, non? Non, mais il y a des lépreux et des trucs là, c'est tout crade. Non, pas dans la sacristie. La sacristie, pas la... La sacristie, c'est la cathédrale devant laquelle vous vous trouvez. Enfin, la petite église, plutôt. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est une ruine. C'est la vraie. Une petite église. Elle est très délabrée, très poussiéreuse, mais techniquement, l'idée se tient. Vu que vous avez deux fureurs avec vous, c'est pas deux orgastiques qui vont vous refuser de Ouais, mais moi, je m'appelle Toric, moi. J'ai besoin d'un peu de propreté. Tu vas dormir à l'hôpital. T'as qu'à aller à l'hôpital. C'est vrai que je pourrais demander à dormir à l'hôpital de campagne. Pourquoi pas? Il doit y avoir peut-être un lit, des endroits pour dormir pour zéro balle, vu que je suis un médecin de terrain. Avec douche gratuite. Ouais. Mais tiens, c'est une très bonne idée. Je vais aller me renseigner. Merci, Mokosh. Mokosh propose qu'on aille voir tes copains d'orgastique et que qu'on puisse leur demander s'il y a moyen de trajet, quoi. Ouais, on peut faire ça, j'imagine. Si on est... S'ils sont sur place, ou alors il va falloir les chercher. Bon, on va aller chercher, qu'ils soient sur place ou pas. On y va. Honnêtement, bah, toi qui connais tout le monde, et toi qui sais où tout le monde habite, Joachim, tu sais où est-ce qu'ils sont, ces deux orchestiques? Bien, sans doute à l'intérieur. Après, c'est possible aussi qu'ils se fassent discrets. J'ai entendu dire que les gangs de Jameta ne leur faisaient leur mener la vie dure. À ce moment-là, en effet, j'ai tout à peu près la même réaction que toi, Mokosh. On va s'occuper de tout ça. À ce moment-là, Lito, lui, semble perdre de patience et dégage le vieux portail qui vous sépare de la sacristie rouge, qui d'ailleurs, le terme, c'est pas cathédrale, c'est chapelle. Cathédrale, ouais. Ce serait quand même un peu... Ce serait un peu plus imposant, quand même. Personne, ce serait un peu abusé, quand même. Ce serait un peu plus imposant. Il marche dans l'espèce de vieux jardin délabré qui entoure, du coup, la sacristie rouge. Peut-être que certains d'entre vous le suivront. Bah oui, c'est notre objectif, quoi. Ah, c'est ce qu'on voulait faire, même, à la base. Donc... Et arrive, du coup, au niveau de cette espèce de vieille chapelle, pareil, complètement délabrée. Vous avez la croix anabaptiste qui cerne la porte, qui est complètement tordue. Des vitraux rouges qui ont malheureusement été cassés. On semble visiblement avoir jeté des pierres à travers. Et vous avez également le seul truc qui semble rester au niveau de l'entrée, un espadon accroché au-dessus. Enfin, plutôt au-dessus du portail, d'ailleurs, que l'entrée. Lito approche et tape trois grands coups au niveau de la porte, qui aussitôt se casse la gueule à l'intérieur. La porte s'éclate, elle était mal renfermée dans ses gonds. En effet, le grand exode semble avoir plus que mis une épine dans le pied des anabaptistes. Lito rentre, vous le suivez, et une fois à l'intérieur, se place au centre de la pièce et lâche un genre de « Eh oh !» qui résonne un petit peu à travers le bâtiment. À ce moment-là, un peu plus loin, vous entendez du bruit et vous voyez derrière quelques piliers deux silhouettes apparaître. Elles ne semblaient pas cachées ni quoi que ce soit, juste elles étaient de l'autre côté. Il s'agit d'un orgastique assez imposant, un peu grand, un peu fort, et d'une ascète qui, elle, est plutôt petite. Oh mon dieu! Dit-elle en voyant les deux fureurs se tenir là à l'intérieur de la sacristie rouge. Bonjour, fureur, je ne sais pas quoi dire, nous ne vous attendions pas, que nous vaut votre présence ici. À ce moment-là, la 7, elle, se dirige au niveau des espèces de vieux bancs qui sont installés dans la sacristie et retire la poussière qui est dessus, comme si. Et tapote les quelques coussins pour vous inviter à vous y asseoir, vous deux et le reste du groupe également. Vous voulez boire quelque chose, quoi que ce soit? Vous avez sans doute fait une longue marche. Nous avons rarement vu des anabaptistes dans les pins. Un bon nombre d'années. Ouais, on prendra un peu à boire. De préférence, entendu, quelque chose d'assez fort. À vos ordres. Vous êtes un juge? Pour resservir. D'accord, d'accord. À ce moment-là, elle baisse un peu la tête et... retourne vers l'arrière. Un peu plus tard, on vous ramène de l'eau. Puis, ce qui semble être du thé. Chaud. C'est ça ce que vous appelez quelque chose d'assez fort ici? Ah, je reviens. Quelques instants plus tard, elle arrive avec une vieille bouteille. Voilà. Sans doute de la mauvaise gnôle qui a été... entreposé là et qu'elle a récupéré pour te donner. Vous voyez qu'il semble avoir installé à l'intérieur de la sacristie toute une espèce de mode de vie d'écosystème avec sur quelques coins des plantes posées sur des grosses pierres qui semblent pousser. Sans doute étant donné parce qu'il s'agit d'une nacette, j'arriverai pas à faire cette phrase, c'est pas grave. De l'autre côté, vous avez quelques mannequins d'entraînement, de l'équipement, de quoi les justement l'entretenir également. Vous avez des lits qui sont posés, qui sont assez poussiéreux, des morceaux de verre qui jonchent le sol. On a l'impression que la sacristie est complètement abandonnée, elle est très poussiéreuse. C'est quoi vos noms? Je me présente Dali, te dit la 7, tandis que l'orgastique, qui lui a l'air beaucoup plus calme qu'elle, s'assoit et te dit Gérard. C'est des noms très franquins. Enfin, en tout cas, surtout pour lui. Elle, ça fait plutôt hébrie espagnol. Mais je veux dire, c'est pas en Borca ou à Justicienne que vous auriez rencontré un Gérard. Oui, c'est certain. Est-ce que vous avez demandé à Joachim de vous suivre ou vous l'avez... Non, je pense qu'on l'a lâché. Et... Ouais, ok. Ah non, je vais l'emmener faire la tournée des bars avec lui. Ah ouais. T'inquiète pas, si tu jettes quelques coups d'œil à travers les vitres ou ce qu'il en reste, tu l'aperçois rôder pas très loin et conseiller quelques passants, mais rester dans les parages. Il semble avoir ses clients pour la journée. Et puis quand vous voyez qu'on peut manger pour 2 dinars, si jamais là il vient de se faire 60 dinars, techniquement il a déjà fait sa journée. Finalement, votre guide, ça paye bien. Alors, d'où est-ce que vous venez? On vient de Borca. La justicienne, pour être plus précis. Impressionnant. Et vous êtes seulement de passage ou... Non, on est là pour rester un moment. Ouais. Oh. Et dans mon cas, moi et à mon collègue, on est surtout là pour vous aider un peu. On en aurait bien besoin. La plupart des anabaptistes qui passent par ici rejoignent la nouvelle terre promise, l'Aquitaine et Briton. Ou alors la Purgarée, ou alors le Sud. Mais il y a peu de monde qui s'arrête à Toulon depuis le Grand Exode. Bon, on est là pour changer vous ça. Vous savez qu'on avait presque prévu espoir, mais je suis contente que la Néognose vous ait mis sur nos chemins. Sur notre chemin, pardon. Vous inquiétez pas. Démurgé, puissant et envahi complètement la ville. À ce moment-là, tu vois qu'elle te coupe à moitié la parole, elle s'arrête au direct et baisse la tête. Allez-y. Je disais que quand on repartira, ce sera ici la nouvelle terre promise. À ce moment-là, Gérard, lui, se met à rigoler et j'ai hâte de voir ça. Et puis, boit dans la gnôle que lui partage sans doute Jacquard. En tout cas, je l'espère. Il y a de la place ici ou pas? Oui, bien sûr, on peut vous aménager. On a quelques lits de camp en réserve. On les a juste pas montés parce qu'on a tendance à nous les voler dès qu'on quitte la sacristie. On va pas vous mentir... C'est compliqué en ce moment. Heureusement pour nous, les Djamétans ne sont pas très nombreux, mais on dirait que pour eux, la guerre adriatique, c'est jamais vraiment terminé. Et on sent que les vieilles rancœurs sont encore là. Heureusement, ils sont généralement de passage, alors c'est par vague. On va passer 6 mois tranquille, généralement l'hiver, et puis passer l'été, ils arrivent de nouveau en ville, et ils cherchent des gens sur qui se défouler. Des gens qui pourront pas se plaindre au fléau, ni quoi que ce soit. Enfin, pas besoin de vous faire le dessin. Vous les connaissez, ils sont vils, vicieux, mauvais, de nature. Oui, j'ai l'habitude. Moi et mes collègues, moi et mes compagnons, on va sûrement crécher ici au moins pendant un certain temps, jusqu'à peut-être qu'on se trouve à un autre endroit. On va vous installer quelques matelas. Gérard, tu veux venir m'aider? À ce moment-là, elle se lève et ils vont se diriger vers ce qui semble être un peu la réserve de la sacristie. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de réserve, mais... On va sembler avoir une arrière-pièce dans laquelle ils sortent plusieurs matelas qui déposent au sol. Ne prévoyez pas de matelas pour moi. Je ne dormirai vous pas. Vous allez loger à l'orage. Oui, non. Je évidemment. Vais loger à l'hôpital de campagne. Mais alors, Toric, t'aimes pas les grenouilles de bénitier? C'est pas ça, mais étant donné que je dois y travailler, je pense qu'il est plus normal que je dorme sur mon lieu de travail. Ouais, si tu le dis. Vous aussi, vous êtes là pour répandre la foi anabaptiste en ville, te dit Dali Aiflux. Vous êtes un chroniqueur, c'est bien ça. C'est bien ça. La foi n'est pas mon principal objectif, mais disons que ça m'avantagerait si effectivement vous reprenez le dessus. Je n'en avais jamais vu en vrai. Eh bien, me voilà. Pourrions-nous avoir vos noms également? Eh bien, pour ma part, je m'appelle Toric. Et donc, comme vous pouvez le deviner, je suis un hospitalier. Et je ne suis pas là non pour répandre... la foi anabaptiste, je suis sûr, là uniquement pour aider mes camarades essayer de soigner le plus de monde possible. J'ai bien conscience que c'est difficile pour eux en ce moment. À ce moment-là, elle semble regarder dans ta direction, Flux, pour récupérer ton nom également. Et Flux. Appelez-moi Lito. Pour ma part, je suis le juge Gettysburg. Mais si on devient plus copain, on pourrait m'appeler Jacquard. Et moi, c'est Mokosh. Très bien. Mokosh, Lito, Flux, Jacquard, Torik. Tandis qu'elle se remémore un peu comme ça les termes, Lito l'arrête et lui dit « Fureur fera l'affaire ». D'ailleurs, Lito se lève et semble faire quelques tours à l'intérieur de la sacristie, observer ce qui se passe. Si la poussière et le côté délabré n'étaient pas aussi apparents, vous l'imagineriez presque passer son doigt au niveau des rebords pour voir si le ménage a été fait. Sauf qu'en l'occurrence, le ménage a clairement pas été fait. On voit même des pierres qui semblent être tombées du haut de l'édifice à certains endroits du sol. C'est pas non plus complètement en ruine, hein, ça a l'air de tenir debout, mais vous voyez que voilà, le truc est pas entretenu, qu'ils ont pas de main d'œuvre ni rien. Y a-t-il des choses en particulier que vous souhaiteriez faire ? Pour vous expliquer, grosso merdo, là, sincèrement, vous êtes en bac à sable hein, pour l'instant. Moi, je sais que j'ai à peu près prévu tout ce qui est possible en ville. Vous faites clairement ce que vous voulez. On est en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi actuellement. Pour ma part, je pense que je vais retourner maintenant à l'hôpital de campagne pour me présenter à Ambre. Et lui dire que je suis celui qui a été envoyé pour l'aider. Saleté de gamin. À ce moment-là, vous voyez Gérard qui se dirige vers l'extérieur au niveau d'une des vitres, qui ramasse une espèce de pierre sur le sol, et essaye de l'acheter en direction d'un arbre au niveau du jardin. Ok. Et quelle mauvaise impression. Pardonnez-nous, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste des gamins des rues de Saint-Chenil, de l'orphelinat, qui je sais pas ce qu'ils venaient foutre dans le coin, mais... Bref, c'est pas leur territoire, ils ont rien à foutre ici. C'est quoi, c'est un gang de gamins ou c'est juste des gamins? Non, c'était juste un gamin errant, mais je pense qu'il essayait de nous voler quelque chose. Peut-être l'espadon accroché au niveau du portail, mais vous inquiétez pas, je guette. S'il y a bien un truc auquel ils toucheront pas, c'est celui-là. Attendez, il s'agit de l'espadon de la croix. Le célèbre Lacroix. Comme vous le savez sans doute, Führer, Lacroix est l'anabaptiste qui a malencontreusement envoyé à la mort peut-être une centaine d'entre nous dans les marais lors de la guerre contre les Féromanciens en compagnie du célèbre hospitalier Watchman. Ce qui a donné lieu à la fameuse expédition Watchman-Lacroix qui a été un désastre complet, qui était l'attaque d'une ziggourate dans les marais. Et malheureusement, on va pas se mentir, étant donné que les néolibiens sont arrivés juste après et ont négocié la paix avec les Féromanciens, le contraste a été assez fort au niveau de la population. Mais malgré tout, Lacroix était, je le pense, un grand homme. Il faut respecter sa mémoire. Mais en l'occurrence, ils n'y toucheront pas. On se relaie le plus possible pour surveiller la sacristie. Nous la laissons rarement seule, ou alors nous payons quelqu'un pour la surveiller. À ce moment-là, oui, vas-y. Jacquard, il me semblait que tu étais sur le point de nous dire quelque chose. Je voulais tout simplement vous proposer, avant que ce garnement détruise ce bel ouvrage, de vous proposer une petite virée ce soir, pourquoi pas les terres putains, et puis avec notre cher Joachim, et de nous saouler avec moult alcool et de retrouver, la joie de vivre. Je ne pourrais pas ce soir, j'ai affaire, vous annonce Gérard, mais Dali le fera sans doute avec grand plaisir, n'est-ce pas? Lui dit-il en mettant une espèce de petit coup de coude. Je ne pense pas que ça vous concerne forcément. Plus on est de fous, plus on rit. Tu veux bien me donner de l'argent pour que je fasse ça, s'il te plaît, Mokosh? Non, excusez-nous. Non, vous avez raison, ce ne serait pas. Nous allons préparer les chambres. Nous allons préparer la sacristie pour votre coucher. Tout sera parfait. Voilà. À ce moment-là, d'ailleurs, vous voyez vous voyez, pardon, Lito, qui lui, d'ailleurs, l'affiche pas forcément, mais Mokosh, toi qui le connais bien, tu comprends qu'il semble assez en colère par rapport à ce qu'il voit là. Il va pas engueuler les gens ni rien, mais il aime pas du tout ce qu'il voit. Se diriger vers l'arrière-salle, justement, et en ressortir des tas de trucs, des râteaux, des des morceaux de bois, et tout traîner et balancer à l'extérieur, juste devant l'entrée de la sacristie. Un peu plus tard, vous entendez le crépitement du bois qui brûle, et vous voyez une épaisse fumée commencer à se lever au niveau de l'entrée. Visiblement, celui-ci est en train d'allumer un feu pour signaler sa présence à quiconque passerait aux alentours du bâtiment. Eh ben, c'est une manière comme une autre. Du coup, vous décidez d'aller boire un coup tous ensemble ? Quand je dis tous ensemble, le groupe ? Puisque les autres ont l'air de clairement s'être décommandés. Ouais, je pense que oui. Très bien. Moi, j'aimerais parler à Mokosh avant. Ok, bon, on peut faire ça dès qu'on sort de la... C'est sur le show. Ok. Avant qu'on rencontre vous sortez de la sacristie, vous passez au-delà du feu et vous sentez que Lito a clairement pas lui l'air d'être de tête à sortir ou faire quoi que ce soit. Il va sans doute rester sur place pour essayer de s'occuper des préparatifs. Du coup là, en effet, vous trouvez devant le bâtiment loin. Vous voyez Joachim qui vous regarde au bout de à 2-3 ruelles de vous. Qui vous guette pour voir si vous semblez avoir besoin de lui. Sans doute que si jamais vous passez à son niveau, il va vous accoster. Pardon. Maintenant, vous aurez évidemment tout le bénéfice et toute la possibilité de juste passer haute part pour pas qu'il vienne vous parler. Du coup, vous êtes devant la sacristie actuellement. Qu'est-ce que vous faites ? Flux, vous voulez me papoter ? Oui. Ouais. Non, excuse-moi, j'étais en train de relire des notes juste avant. Du coup. Oui, je voulais papoter à Mokosh tranquillement, parce qu'en fait, Mokosh, bon, vu que ça va m'être utile si les anabaptistes arrivent à reprendre un peu en main cette ville, je vais faire en sorte qu'on puisse avancer en coopération. Et premier point, c'est-à-dire que si tu as besoin de mon aide, elle est effectivement offerte sans souci, donc tu as juste à demander. Parce que je sais qu'on a plus ou moins des objectifs qui sont divergents tous les quatre en ce moment. Enfin, divergents, moi, qui ne nous force pas forcément à être tout ensemble. Donc, si tu as besoin que de main, je suis là. Mais du coup, lorsque je ferai une action qui est possible de te déranger, je préfère te prévenir avant. Et notamment, moi, il y a une information qui m'intéresse énormément pour l'instant en ville. C'est. Ce fameux orphelinat qui est tenu par un géométhane, si mes souvenirs sont bons, de ce qu'a dit. Alors, c'est pas l'orphelinat qui est tenu par le géométhane, du coup, je me permets de te reprendre. C'est le. Ouais, c'est l'hôpital, c'est... quoi, c'est le truc de charité. Oui. Enfin, l'hôpital, dans le Moyen-Âge, quoi. De... Ouais, c'est. Enfin, en tout cas, vous savez qu'il s'occupe des SDF, mais l'orphelinat, c'est encore autre chose, a priori. Les deux, je me permets de vous reprendre là-dessus, je le ferai peut-être pas tout le temps, mais voilà, là-dessus, je me permets, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été clair à un moment, c'est possible que j'ai donné beaucoup d'infos, voilà. Bref, dans tous les cas, je m'en fiche qu'il tient un orphelinat ou quoi que ce soit d'autre. Parce que du coup, moi, j'aimerais bien commencer à agir de son côté. Déjà parce que ça me paraît d'être un bon atout sur le long terme, mais aussi parce que je trouve ça assez intéressant comme action. Mais c'est un géométhane, ce qui veut dire que je vais peut-être aider un géométhane, et je sais que tu es là pour défoncer les géométhanes, donc je ne sais pas trop comment tu... C'est le géométhane qui t'intéresse ou l'orphelinat ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le principe de son hospice, hein, pour aider les gens. C'est tenu par un géométhane, à la limite, si c'est tenu par quelqu'un d'autre, ça, je m'en fiche. Mais pour l'instant, c'est lui qui tient, quoi. J'ai pas spécialement prévu de m'attaquer principalement à lui et de déclencher une famine après, donc. Okay. C'est pas ma priorité. Parfait. Bon, au moins, si un jour tu veux lui faire un coup de traite, si je me rapproche de lui, tu sauras pas où frapper. Voilà, c'est tout. Je voulais juste être sûr de pas avancer en contre-courant avec toi. Voilà. Il est quelle heure là, à peu près dans la journée là ? Ce que je disais là, vous êtes en fin d'après-midi. Du coup, moi, Donc, il commence à faire nuit, vous commencez à voir les premières lueurs de la Ah, ville ok. s'allumer. D'accord. Bah, du coup, Mais c'est. Ouais, voilà, ça débute sur rien. je vais quand même y aller maintenant, si c'est possible, parce que vu que c'est là que je vais dormir, il vaut mieux que je me présente avant. Parce que c'est pas une fois qu'on sera allé au bar et que j'arrive à minuit devant le machin que je leur dis salut, au fait, c'est là que je À crèche. moitié bourré. Non, Tauric ne sera pas bourré. Mais bon, voilà, par décence, bon, là, il faut que je me présente avant. Donc je préfère le faire avant qu'il fasse complètement nuit, ou que sais-je. Du coup, moi, je vais me présenter là-bas. Au pire, je rejoindrai les autres si je sais où ils vont, bien sûr. Et On voilà, fait preuve de maintenant que j'ai la l'imprévu. carte. J'ai la carte maintenant, donc ça devrait aller. Comment ça, tu as la carte? Ouais, enfin, je l'ai Oui, vu, comment? quoi. C'est bon, je vais quand même réussir Oui. à m'orienter. Je vais Moi, je faire pourrais le faire. un truc, tu sais, écrit sur mon Chacun. bras. Non, tu as une mémoire très photo, je sais plus comment Ah oui, dire. non, moi, C'est ça. les Spitaliers ont une mémoire visuelle très importante. C'est bien connu. Du coup, Du où coup, est-ce que vous je. donnez rendez-vous? Ouais. Avant que tu partes. Bah, écoutez, Bah, au cirque. au Au cirque, cirque, j'imagine, c'est un oui, bar. je pense C'est que là où on a c'était. rendez-vous avec déjà des autres. Oui, avec la. Les. Oui, que j'ai même oublié leur nom, Les tiens. Molières. Les Molières, oui, merci. Donc, je vous rejoins là-bas. Pour l'instant, je dois aller voir mes camarades hospitaliers et je vous rejoins juste après. Bon, évitez d'être complètement bourré quand j'arrive, quand même, ce serait bien. T'inquiète pas. Ouais, Tu si, retraverses donc justement, la justement. ville. Tu retraverses la ville jusque du coup à Court-Argent. Donc, tu repasses, tu quittes Port-la-Gagne, tu traverses le plus rapidement possible les terres Putain et tu te rejoins à Court-Argent. Longe le port. D'ailleurs, tu recroises le petit ponton de la dernière fois en train de se faire reconstruire, celui où le conteneur s'était écrasé. Le conteneur derrière lui est au fond de l'eau et des gens semblent attelés à essayer de le repêcher. T'as croisé également l'axe d'argent qui est en train de se vider, vu que la soirée commence à tomber, les étals commencent à se refermer. Et tu arrives au niveau de l'hôpital de campagne de l'Orage. Tu passes de nouveau le vieux portail. Et cette fois-ci, dehors, tu n'as plus que le familancier Jacques, la familancière, elle n'est pas là, en train de rattrouper les dernières affaires. Il ne semble plus donc y avoir qui que ce soit d'autre, à part du coup les malades qui sont sur leur lit. Et d'ailleurs, lui allume des espèces de barils de. Met le feu à des barils pour visiblement leur tenir chaud pendant la nuit. Du coup, bonsoir, Jacques. Me revoilà. Ah, bonsoir, Torix, c'était ça? C'est ça, Toric. Vous savez si Ambre, votre chef, est dans le coin? Ah, oui, bien sûr, elle est là, suivez-moi. À Ok, ce moment-là, il merci. te dirige jusqu'à la porte d'entrée. Il laisse un peu son malade, il lui dit qu'il reviendra dans quelques instants. Et il te dirige à l'intérieur du bâtiment. Vous montez quelques premières marches. Lui, c'est un vieux bâtiment. Tu sens qu'il était là depuis longtemps. Il a été un peu rénové, mais pas trop. Justement, il y a ce côté un peu très militaire, très bitume. À l'intérieur, tu découvres un hall assez petit, justement, parfaitement carré au niveau de l'espace. Et derrière, plusieurs portes qui semblent donner sur différentes salles. T'as également un escalier à ta droite, un escalier à ta gauche, qui semblent donner donc vers l'étage supérieur, vu que le bâtiment est sur plusieurs étages. Et sous chacun de ces escaliers, tu as une porte qui semble donner de nouveau vers l'extérieur. Donc en fait, c'est un cube avec trois entrées. Toi, tu es sur celle du milieu, il y en a deux autres sur chaque côté. D'accord. Lui te dirige vers l'escalier de droite. Et. Vous le montez d'ailleurs, tandis que vous montez, tu croises le regard d'autres hospitaliers qui sont à l'intérieur du truc et qui semblent te le regarder un petit peu assez étonné en effet. Vous montez l'étage jusqu'à du coup ce qui semble être un regroupement de bureaux et peut-être certaines salles opératoires, tu sais pas trop en tout cas. Il prend pas le temps de te faire visiter, il te dirige directement vers le bureau du fond. Il toque à la porte et Quelques instants plus tard, on vous demande de rentrer. Il l'ouvre, et à l'intérieur de ce bureau, à l'allure quand même très... comment dire, très déconnecté du reste du bâtiment, puisque c'est un bureau qui est quand même assez chic. Tu découvres sur les côtés, au premier abord, des étagères remplies de bouquins. Une fenêtre avec une super vue sur le palais. Un grand bureau dans un bois relativement magnifique avec une dame assise, une hospitalière évidemment, assez âgée, de taille moyenne, avec derrière elle un portrait d'hospitalier. Accroché en grand, quelqu'un a fait un tableau et l'a accroché derrière. Évidemment, sur le côté, elle a de quoi noter. Elle a également des instruments médicaux qui sont entreposés, des livres de médecine, des badges, enfin des tas de trucs. Elle n'était pas seule, elle est en train de discuter avec un autre hospitalier également, qui lui aussi semble assez âgé, doit avoir dans la quarantaine, cinquantaine. Elle est vraiment très très âgée, hein, elle a plus de 70 ans en minimum. Oh, et excusez-moi de vous déranger, dit à ce moment-là le fabulancier Jacques. Et très gentiment, la vieille Ambre le reprend et lui dit « Ne vous en faites pas, nous en avions fini. Docteur Sam, vous pouvez nous laisser. » Le docteur Sam, à ce moment-là, s'en va. Vous êtes le nouveau, c'est ça ? Oui, le nouveau, si c'est comme ça qu'on m'appelle. Je m'appelle Torik Cole. Torik. J'ai été envoyé par l'hôpital afin de vous aider dans cette tâche qui a l'air, ma foi, assez compliquée, si j'ai bien compris. Oh oui, c'est sûr, ça doit vous changer de la borka, si j'en crois votre accent. À ce moment-là, elle s'appuie sur une espèce de canne qu'elle a posée sur le côté de son bureau et se relève pour se mettre un peu à ton niveau. Mmh. Eh bien, écoutez, bienvenue à l'hôpital de campagne de Laura. J'espère que vous pourrez bientôt faire connaissance avec le reste de l'équipe. Oui. La plupart sont partis se coucher. Je vous propose que nous organisions ça dès demain matin. Il n'y a pas de souci. Quel est votre rang, Torik ? Je suis médecin de terrain. Ah, très bien. Quelqu'un donc de très généraliste. Nous allons avoir besoin de quelqu'un comme vous pour nous occuper de la majorité des cas qui malheureusement se regroupe et se cumule à l'entrée de nos portes tous les jours. Oui, j'ai vu ça. Je suis déjà passé tout à l'heure et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le fameux lancier Jacques et j'ai pu voir ça de mes yeux. C'est vrai qu'avec les moyens que vous avez, c'est quand même compliqué de pouvoir prodiguer des soins de bonne qualité, malheureusement. Oui, surtout que de nombreuses de nos machines sont en panne et nous n'avons pas les compétences scientifiques nécessaires pour les remettre en marche, malheureusement. Ce sont des choses qui se sont perdues. Écoutez, j'aurais peut-être quelqu'un qui peut s'en charger. Ce serait avec grand plaisir. Oui, je verrai avec cette personne. Il y a beaucoup à faire, mais... Sincèrement, nous vivons plutôt bien. Nous avons d'ailleurs célébré un mariage entre deux de nos membres il y a peu. Alors, vous savez, ok, c'est très les bien, conditions hein. actuelles ne nous empêchent pas de vivre et pour avoir servi sur de nombreux fronts, croyez-moi, cet endroit peut parfois avoir quelques allures de paradis. Ma foi, je ne demande qu'à voir ça. Sinon, vous comprenez que je ne connais personne ici, mis à part vous. En ce qui concerne le gîte, je présume que vous avez quelque chose pour moi ici même. Bien sûr, nous avons deux annexes à ce bâtiment principal de la même envergure. Nous avons dû revendre la première il y a quelques mois pour financer quelques recherches, mais la dernière sert toujours de caserne. Vous y avez des dortoirs, des lits de camp et de quoi vous laver. Bon, c'est parfait. Un souper également servi tous les jours. Nous avons. Vous n'aurez qu'à vous adresser à notre cher pharmacien Gossen. Ah, j'irai voir ce Gossen. Gossen. J-O-S-E-N. Il s'occupe de toutes les réserves de nourriture et de médicaments. D'accord. Gossen. Jacques va vous conduire. Nous aurons l'occasion d'en reparler demain des différentes missions sur lesquelles nous pourrions vous placer. D'accord. Je vous remercie de cet accueil et j'ai hâte de pouvoir aider cet C'est hôpital. peut-être que votre présence pourra faire la différence. À ce moment-là, elle se retourne vers le tableau accroché derrière son bureau, le regarde de haut avec admiration et bon. À demain, Dr. Cole. Ok, demain. Est-ce que je le connais? Enfin, est-ce que ça me dit quelque chose ce portrait? Non, quand tu regardes, non. D'accord. Ce que tu pourras peut-être demander, sans doute que les gens le savent. Ouais, bah, je demanderai à Jacques tout à l'heure. Nous allons en parallèle reprendre avec le reste du groupe, qui lui, du coup, se trouve actuellement au cirque. Le cirque, c'est un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure. C'est pas un grand bar du tout. C'est pas un endroit qui est vraiment très resplendissant. Vous avez déjà principalement à l'extérieur un grand comptoir de bar, de bois, pardon, où sont installées de nombreuses de personnes. Donc les Helvétiques de tout à l'heure, eux, sont complètement partis. On vous est installé et vous avez pu commencer à consommer si jamais vous le souhaitez. Avec Joachim? Non, Joachim, lui, enfin, sauf si vous avez insisté pour retrouver mais oui, le. Mais oui. Ah, pardon, excusez-moi. Mais du coup, vous êtes retourné le voir et en effet, il vous y a conduit. Excusez-moi, j'avais pas compris. Et moi, j'indique que je ne bois pas. Ouais, d'accord, très bien. Mokosh, est-ce que tu sers quelque chose? Ouais, un peu. Allez, paye ta tournée. Ouais, et je paye pour Jacquard et son nouveau meilleur ami. Vous allez vous installer au niveau du petit bar, sur vos petits tabourets. Le comptoir, d'ailleurs, est assez étroit. Hein. Et au loin, vous voyez qu'il y a quand même des choses un peu plus grandes. À l'intérieur, vous avez de grandes tables qui sont installées. Et on y sert des plateaux, des choses comme ça, des verres à manger. On y fait un petit peu de tout. Vous avez le barman qui s'appelle Jacques, lui aussi, comme le fameux ancien, même si pour l'anecdote, si ça vous intéresse, ça s'écrira pas pareil. Qui lui vous demande ce que vous faites là, tandis que vous êtes rejoint au loin par un ami de courte date. Alors, qu'est-ce qui vous amène en ville? À ce moment-là, il vous sert vos conso. La route. Bien, bien. Vous êtes pas très bavard. Vous. Tu les as trouvés où, ceux-là, Joachim? Oh non, ils sont très sympas, ils sont très sympas. Le juge en particulier. À ce moment-là, d'ailleurs, Joachim, Jacquard te propose de trinquer. Santé! Et vous buvez. Je disais donc, au loin, vous avez été repéré par un ami de courte date, Blanchard, qui s'approche de vous, se caresse les favoris et s'assoit également au niveau du comptoir. Ah, j'étais sûr que vous alliez venir. Bon, entre vous et moi, je sais pas trop ce qu'on va leur faire ce soir. Peut-être une pièce. Ou alors le coup des couteaux, ça avait l'air d'avoir bien marché cette fois. Vous seriez d'accord de retenter l'expérience? Te dit-il, Mokosh, évidemment. Je crains que mes devoirs en ville m'empêchent de trop me mettre en spectacle comme ça à présent. Ah, je comprends. C'est dommage, vous avez de la présence pour. Oula, vous avez de la présence. Si jamais vous aviez besoin d'un peu d'argent et que ça vous disait de jouer dans une pièce, venez me voir. J'y penserai. Vous êtes également rejoint par Klaus, donc la pie de la nuée, qui, adresse quelques mots à Blanchard et également un petit sourire à toi, Mokosh. Mmh. Elle semble contente que vous ayez pu venir aussi. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez faire ou est-ce que vous laissez simplement la soirée se dérouler? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder soit avec Joachim, soit avec la nuée qui est actuellement présente sur place, soit avec Jacques, le tavernier, qui connaissons bien la ville également? Ou alors entre vous? Eh bien, personnellement, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Je vais d'abord laisser les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des trucs à faire? Moi, de manière indirecte, oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre ici. On fait un sondage déjà autour de la table. Qui a des trucs à faire? Ouais, j'ai des trucs à faire. Ouais. Bokosh a pas l'air. Et Non. Toric n'est pas encore là. Ok. Du coup, voilà, moi, dans l'idée, c'est que je vais plutôt commencer discrètement pour le départ, parce que je veux juste me renseigner sur 2-3 trucs. Et en fait, je veux surtout m'intéresser aux Moliens, parce que si ma mémoire est bonne, c'est bien eux qui sont apocalyptiques. Dans la vraie vie véritable. Ça va, mais je ne confonds pas Oui, là, tout il s'en fait cache pour... même plus, hein, actuellement. Parfait. Et justement, en fait, parce que là, moi, mon premier plan, ça a été essayer de vraiment jauger la ville pour voir comment je vais pouvoir interagir, comment je vais pouvoir agir sur le long terme. Et donc, ouais, moi, je vais m'intéresser un peu aux Moliens, parce qu'on a fait quand même route ensemble, et ils ont été, malgré tout, plutôt honnêtes pour des apocalyptiques, j'ai envie de dire. Voilà. Mais voilà, du coup, dans la conversation, j'ai glissé un peu des petites questions de mode ah, mais du coup, vous avez beaucoup de territoire, vous gérez beaucoup de bordel ou pas. Tu vois, je vais essayer un peu de juger s'ils sont un peu importants dans la ville ou si c'est pas forcément très intéressant de les avoir dans la poche. Quand tu Mais dis ça, vraiment, conversation tranquille. Blanchard. Ouais, au moment où tu abordes le sujet, Blanchard lui se met à rire. Ouais, non, non, non, commencez pas à parler de territoire ou d'étendre quoi que ce soit, non. Bah écoutez, nous, hein, on est ce qu'on est, une petite troupe itinérante. Alors oui, on a quelques membres ici et là qu'on va avoir plaisir à retrouver, hein, ça c'est sûr. Mais non, en réalité, on est plutôt discret. On a fait ce choix-là, c'est mieux. On préfère ça aux guerres d'apocalyptique incessantes qu'ont pu connaître certains d'entre nous. D'ailleurs, Klaus, que vous avez pu rencontrer, et Masselpi actuellement. Mais alors déjà c'est tout à votre honneur, honnêtement, je trouve ça très joli. Mais vous êtes vraiment itinérant ou est-ce que vous traînez principalement à Toulon et vous naviguez ou est-ce que Ça vous êtes juste... dépend. Là, on aimerait bien s'installer soit ici, soit à Bayonne. Malheureusement, les loyers à Toulon risquent d'être trop chers pour nous. Mais généralement, on a tendance à marcher et vivre un peu en parallèle du commerce et des tout-venants qu'on peut croiser. Il nous arrive, certaines saisons, de faire des allers-retours au niveau du passage bernois pour récupérer un peu d'argent auprès des voyageurs et des commerçants qui font la route, qui ont souvent be bien besoin de divertissement, surtout quand ils sont bloqués plusieurs jours d'affilée. On n'a pas trop connu ça parce que là, nous, on était un petit peu pressés par le temps, mais c'est une vérité. Oh, tiens, d'ailleurs, je vois votre ami Spitalier qui approche au loin. À ce moment-là, Gosset, donc, je rejoins la conversation. Et une toute dernière question, après je vous embête plus avec ça, promis. Oui, vous ne m'embêtez pas, vous en faites quoi? Bon, déjà, sachez que vous êtes très bon pour le divertissement. Ah, je vous Mais remercie, ça fait plaisir. du coup, si vous avez 2-3 connaissances sur ce qui se passe en ville, est-ce qu'il y a un clan en particulier, apocalyptique, qui vous semble plus fiable? Et quand je dis fiable, c'est pas forcément puissant, c'est-à-dire que vous savez que vous pourrez leur faire confiance si un jour. En tissant des bonnes relations, je veux dire que si un jour vous avez des problèmes et vous aurez besoin de quelqu'un ou c'est pas trop le genre de la maison par ici. Si jamais, à ce moment-là, il regarde à droite, à gauche. Heureusement, vous avez personne qui partage vraiment le comptoir avec vous. Mais écoutez, on va aller s'installer à l'intérieur, au niveau d'une table, près d'une fenêtre. On sera sans doute mieux assis. Vous rendez un peu l'intérieur. Et d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas forcément précisé, Toulon de nuit semble être sublimé de lumière dans tous les sens. Vraiment, la ville est éclairée de partout. L'électricité, notamment, marche. Donc vous avez des ampoules dans les bâtiments. Vous avez, ça en plaira plus ou moins à certains, des néons installés au niveau de certaines enseignes. C'est pas commun de partout, mais par endroit. Et vous arrivez à l'intérieur et vous êtes donc éclairé par des ampoules, pas par des bougies comme vous pourriez en avoir l'habitude. Ils vous installent au niveau d'une table un petit peu tranquille. On vous sert de trois trucs. D'ailleurs, étant donné que vous avez une connaissance avec Blanchard, on pose un plateau sur la table sans demander à qui que ce soit de payer quoi que ce soit, donc c'est visiblement en libre disposition, sur lequel vous avez quelques tranches, quelques morceaux de thon et quelques tranches aussi de viande finement coupée et du fromage, ce qui est mine de rien plutôt de valeur. C'est des mets assez luxueux. Mais vous avez les connaissances qu'il faut. Du coup, il profite que vous soyez un peu plus au calme pour dire si jamais vous avez l'ambition, il paraît que la nuée noire cherche à s'installer un peu plus en ville. Mais j'ai pas vraiment de contact avec eux et j'essaye d'éviter. J'aimerais pas être considéré comme un de leurs rivaux. Je préfère juste qu'ils fassent pas attention à moi. J'ai juste quelques affaires avec 2-3 bars. Voilà, c'est tout. Et vous savez, celle-là a une réputation déjà existante. Genre, moi en fait, vraiment, ce qui me fait peur, c'est me tromper et finir avec des gens qui me lâcheront à la première occasion. De ce que j'en sais, ils sont assez superstitieux. En fait, à la base, il s'agit d'une nuée de. Même c'est leur activité principale de piraterie. Eux, ils s'en prennent aux navires néolibiens sur la mer Méditerranée et pillent ce qu'ils peuvent. Mais évidemment, il leur faut des pieds-à-terre de temps en temps. Alors, on raconte, mais j'y suis jamais allé moi-même, que la Corpse, le nom a changé, est un nid pas possible à nuer. Mais vous pourrez en croiser ici, soyez-en sûrs, surtout au niveau des terres putains. Merci. Et je tends. Par contre. Oui. Oui, vas-y, continue. Non, je veux dire, par contre, ils sont pas vraiment présents au niveau des bordels, il me semble. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il s'agit surtout de faits d'armes et de trafic en ville. Et, du coup, je. Je demande à Mokosh 2-3 dinars et je lui donne du coup 2-3 dinars. Je lui dirai à Mokosh que je la rembourse évidemment. Et je lui donne 2-3 dinars pour le remercier. Avec plaisir, dit-il en souriant et en t'affichant ses fausses dents. Quelqu'un d'autre souhaite parler de quoi que ce soit? Flux. Bon alors, vous avez pu un petit peu faire connaissance avec cette place. Oui. Bon, je reviens de l'orage, c'est ça? C'est l'orage, hein? Oui. Bon, j'ai de quoi me loger. Ça va bien. Et d'ailleurs, me nourrir également. Par contre, je pense que je vais avoir besoin de tes talents. En effet, le matériel de l'hôpital est un peu usagé et certaines machines auront besoin de tes talents. Donc, j'en ai parlé à celle qui s'occupe, qui gère l'hôpital et elle serait ravie que tu puisses y jeter un œil. Et bien sûr, nous trouverons un moyen de soit trouver de quoi rémunérer ou à la limite un repas. Pourquoi pas? Effectivement, ça m'intéresse d'être rémunéré. Je pense qu'il va falloir rapidement qu'on trouve des revenus financiers sans passer par le changement de monnaie. On changera uniquement la monnaie qu'on reçoit de justicienne. Ouais, bien sûr. Par contre, je ne vais pas m'y atteler tout de suite. Il faut d'abord que je trouve ce qu'il faut pour bien travailler. Et j'ai besoin d'un jeune ferrailleur à mes côtés quand je travaille avec les machines. Mais il va falloir peut-être voir que je trouve quelqu'un à recruter avant. Est-ce que tu continues de faire boire... Je veux pas te couper, mais je te laisserai finir. Est-ce que tu continues de faire boire Joachim de ton côté, Jacquard, ou pas? Complètement. Genre sans forcément lui payer des verres, juste l'inciter à boire un coup encore. Quitte à lui payer des verres. Très bien. Quitte à ce que Mokosh paye des verres. De lui payer un certain alcool. Si tu lui payes un verre, c'est alcool léger ou alcool fort? Un truc qui arrache. On aura 3 dinars pour le premier et 5 pour le deuxième. Non, attends, on est dans quel quartier déjà? Là, vous êtes dans les terres, putain. Ah merde. Au niveau du cirque, qui est la première taverne en partant du sud. C'est pas là qu'il y a un truc qui arrache? En partie, oui, il y a des trucs qui arrachent, ouais, ici. Ouais. Oui, dans toutes les tavernes, il y a des trucs qui arrachent. Du coup, vous lui payez le truc qui arrache, 5 dinars en moins, il s'enchaîne ça. Et franchement, il commence à être bien. Bon, allez, faut que je vous laisse, je vais l'organiser tout ça. Et vous Ah, commencez à il l'entendre. sera pas? Non, il se place juste au niveau de l'entrée, là. Il commence. Il s'absente quelques instants pour essayer de ramoter de la foule, en fait. Il commence à Joachim? gueuler. Ouais. Non, pas Joachim, pardon, excuse-moi. J'ai confondu Joachim et Blanchard. Bon. Du coup, oui, tu fais boire Joachim. Du coup, non, il s'en va pas du tout, lui. Du coup, il reste sur place et il commence à boire. Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu essaies de lui faire cracher le morceau? Bah, je sais pas, quand il va être un peu plus joyeux, guiré, je vais commencer à lui dire. Je vais essayer un peu de reprendre un air très sérieux et très très, comment dire, sévère, et je vais lui dire, est-ce que t'as déjà entendu un de ces noms? Dis-moi. Je vais tous te les dire d'un coup. Les frères Stork, est-ce que ça te dit Stork? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ou Stock, je sais pas comment ça se dit. Finn et Sven. Des Finn et des Sven, j'en connais, pas trop des Sven, mais On les appelle les ouais, frères si tu veux. blonds. Ils auraient à peu Ah. près la vingtaine. Ah oui, c'est Ils les mêmes gars seraient. que tu venais. Ah, d'accord. Oui. C'est les mêmes. Et ils sont tous les deux marqués au front par le fer du jugement. Alors, autant je connais des Finn, j'ai dû côtoyer 2-3 Sven, je connais pas de Stock, C'est la même, enfin, frère c'est leur nom de Rosenia non famille. plus. Des blonds avec la vingtaine, oui, bon, ça j'en connais. Par contre, des types Avec un marqués sur le énorme, une front par le énorme. fer du jugement, Oui. ça c'est sûr que j'en connais pas, mais j'ai entendu parler d'un cas comme ça. Ah oui, tu peux m'en dire plus? En l'occurrence, lui, je l'ai jamais vu. Ça va être un des rares gars de la ville que je connais pas, mais il paraît qu'il y a un gars sacré à Miel qui aurait été marqué par le fer du jugement. On pense qu'il Qui s'agit ça? d'un déserteur ou d'un truc du genre. Attends, répète-moi, dans où ça tu as dit à sacré? Ah, sacré à Miel. C'est Sa où ça? conversation, en effet, commence à en pâtir légèrement, surtout que plus tu lui fais boire, moins c'est compliqué. Moins c'est facile, pardon. Mais Qui si, a la sacré à Miel, je carte? vous en ai déjà parlé, Qui a la Ah. carte? Je me retourne vers le. Qui a la carte? C'est le truc tout au bout. C'est le truc tout au bout, à Saint-Chenil, là. On en a parlé, en plus, La c'est là où digue? le Géométhane rassemble tous les gars, là, les lépreux, les machins. Et ben, il y en a un là-bas, il est pas malade, mais il paraît qu'il a la marque du jugement. Je sais pas ce qu'il est fou, mais. Après, je l'ai jamais vu personnellement, moi, c'est mes contacts qui m'ont dit ça. J'imagine qu'il doit pas se montrer tous les jours si jamais il essaye de fuir les gars comme toi. Ouais, j'imagine que personne n'irait chercher quelqu'un en plein milieu des lépreux et d'autres miséreux. C'est vrai que ça fait une bonne Ça, c'est sûr que planque. si jamais je voulais fuir les juges, c'est le premier endroit où j'irais me cacher. Mais passons, j'ai plein d'autres noms à te faire, à te soumettre. Est-ce que tu aurais Ok, déjà vas-y. entendu parler d'un certain Friedrich Oppum? La Non, non trentaine à plus. peu Après, près, roux et. sans vouloir. Des roues, il n'y en a pas des tas, par contre. Oui. Et surtout, c'est quelqu'un d'assez, comment dire, habile, qui sait disparaître, changer d'identité, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui louerait des services de ce genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais que Allez, si tu es un pro de la disparition, c'est difficile par si tu me nature repayes un verre, je peux peut-être avoir un truc qui pourrait Bokosh! t'intéresser. Tiens. C'est cadeau, c'est pour moi. Ah, ça c'est Enfin, c'est pour franchement gentil, Bokosh, ça mais c'est franchement c'est sympa. pour moi. Ça c'est franchement sympa. Ouais, alors, donc, la trentaine roux, ça te dit quelque chose? Pas du tout. Par contre, on dit toujours qu'il y a un coin ou en tout cas un gars qu'il faudrait aller voir si jamais on veut disparaître en ville. un espèce de faussaire spécialiste dans le changement d'identité, les arnaques en tout genre, ce genre de truc. Et t'aurais pas son nom par hasard? Oh là là, faut que ça me revienne. J'ai pas son nom, mais je crois que je pourrais savoir où est-ce que tu pourrais le trouver. Eh bah vas-y. Est-ce que t'as déjà... Non, on a pas déjà entendu parler. À ce moment-là, il saisit la carte. Il se prend un peu la tête, hein, il commence un peu à avoir mal au crâne, il doit peut-être pas habituer à boire autant. Et dans le même quartier dans lequel tu te trouves, il t'indique le numéro 23, qui se trouve d'ailleurs pas si loin que ça de... Il s'agit de la zone mais. La zone mais. Z-O-M-N. Non, N-M-E. Bah, tout ce que je sais, c'est que c'est compliqué d'y accéder. Il y a une nuée qui s'est nichée là-bas. Et... En tout cas, ce qu'on dit, c'est que si jamais t'arrives à choper les mots de passe et répondre à une ou deux énigmes, tu peux être considéré comme étant digne de t'adresser au maître des lieux. Et que lui, c'est le roi pour satisfaire n'importe quelle demande. Il peut s'agir de documents d'identité, de justicienne que tu voudrais faire changer, de récupérer des sceaux de douaniers pour emprunter le passage bernois, d'acheter des fusils ou des combinaisons d'hospitaliers même, pourquoi pas si tu veux. Bref, ici, on peut récupérer tout ce que tu veux. En Intéressant. clair, si jamais t'as des gars qui ont essayé de disparaître en ville, si tu vas le voir, il pourra sans doute en dénicher quelques-uns. Super. Maintenant, je vais te donner un autre nom. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une certaine Kira Ryl? Non, rien du tout. Une brune, tatouée, comment dire, sur son bras gauche. Quelque chose, peut-être C'est pas. précis ce que tu me dis là. Oui, c'est pas très précis. Non, franchement, ça me dit rien comme ça. Après, si tes gars ont essayé de disparaître, je sais pas ce que tu leur veux, mais. Pour qu'un type aille se fourrer à Saint-Chenil, j'imagine qu'il a intérêt à changer de nom et il n'y a pas semé ce genre d'indice aussi gros qu'une maison derrière lui. Oui, ça, je m'en doute. Mais c'est tout ce que j'ai Mais sur eux, bon, comme malheureusement. tu dis, ça coûte rien d'essayer. Et cette fameuse Kira serait peut-être un billet, et je dis bien peut-être, de la même façon que moi, genre de un grand chapeau, un grand manteau, des lunettes de Bon, soleil, ça je par sais contre, pas. un juge en ville, j'en aurais entendu parler. D'accord. Ouais, tu m'avais payé quelques verres, je peux te le dire, mais le dernier juge que j'ai vu venir ici, bon, déjà c'était un homme, et il me semble que c'était. On n'a pas vu depuis au moins un an, quoi, si c'est pas plus. Attends, comment ça, C'était à peu près. déjà c'était un homme? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer là? Bah, tu disais que tu cherchais une femme, non? Kira, je sais pas quoi. Elle avait un tatouage, machin, Ah donc ça oui, peut pas être elle. pardon, d'accord, je croyais que tu parlais de moi, désolé. Non, passons, passons, passons. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une certaine Cornelia Heisenberg? Une très, très, très, très vieille personne, cheveux grisonnants, et elle a déjà été appelée. L'empoisonneuse. Oh, alors la seule très très vieille personne que je connaisse ici, c'est la vieille ambre du chef de l'hôpital de l'Orage. Mais elle a pas un cheveu sur le caillou. Et ça va faire peut-être près de 10 ans qu'elle est là. Non, même 10-20 ans, qu'est-ce que je dis? Elle était là avant nous, elle va tous nous enterrer, donc... Ah, je parle vraiment de quelqu'un de Il y aura très peu de vieux, chances que ce genre soit elle, mais... 75 Tu ans sais, peut-être même. les vieilles sont pas très courantes dans le coin, donc... Si ça peut t'aider, il y a des poissonnières qui traînent au niveau de Port-Lagagne et qui vendent... J'en sais rien, hein. Il y a peu de chances que ce soit elle, mais je veux dire, les vieilles sont pas très courantes, peut-être qu'elle fait partie d'entre elles. D'accord. Bon. Eh ben c'est tout. Et continuons à ripailler joyeusement et touchons du bois. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, ce que je disais en parallèle, les gens commencent à venir pour assister un petit peu au show que leur propose la nuée actuellement en place. Du coup, les Molières s'installent et du coup, Blanchard, lui, se poste à l'entrée, essaie de faire venir le monde comme il peut, hein, essaie de chauffer la salle. Du coup, lui, du coup, finalement, il a pas vu tant que ça. Je pensais que c'était lui que t'avais saoulé, mais du coup, pas du tout. Donc, il est assez normal. Mais malgré tout, il est quand même très enjoué et il dit venez voir notre superbe pie danser à la manière des meilleures danseuses Purgan. Bon, sachant qu'elle s'appelle Klaus et qu'elle vient sans doute de Burka. Nous avons des tas de choses incroyables à vous montrer. N'hésitez pas, surtout que ce soir, pour 4 verres achetés, le cinquième à moitié prix. Nous avons même un authentique spécimen de chroniqueur à l'arrière-salle. Vous n'en verrez pas souvent en ville. Surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez le garder sans rien payer. Mais interdiction de lui adresser la parole sans être passé par moi auparavant. Et les gens, eux, commencent à rentrer. Des gens s'installent sur le comptoir, au niveau des tables, regardent une espèce de petite scène qui est installée derrière. Vous avez une petite ampoule qui semble grésiller, donc Jacques, le tenancier du bar, se dirige et vous le voyez commencer à remettre un peu tout ça en place. Et ainsi, vous commencez à profiter de votre soirée tous ensemble. Vous assistez au show donné par les Molières. En effet, cette fois-ci, c'est un mélange un peu barbare entre de la musique, une danse à la limite du striptease, et du théâtre également, puisqu'on y rajoute des paroles presque en fait slamées, si je peux dire, par-dessus la musique. Ça a une ambiance un peu étrange et qui prend pas énormément auprès du public, malheureusement. Malgré tout, les gens s'en passent une bonne soirée. Vous, ça vous fait du bien de vous poser un petit peu et d'assister à cette ville un petit peu étrange telle qu'est Toulon. D'ailleurs, Joachim ne manquera pas de vous annoncer quelques anecdotes rayonnantes sur la ville. Comme par exemple le fait que, vous savez, ici, si on a autant d'électricité, c'est parce qu'on a les moyens. On a énormément de pétrole et le pétrole, on a tout transformé en électricité grâce aux ferrailleurs. Et même que si on éclaire autant la ville la nuit, c'est parce qu'il n'y a pas de phare à Toulon. Et malheureusement, les bateaux, faudrait pas qu'ils finissent. Bon, vous savez où quoi, dans la ville. Et comment dire, quand on a visité. Ouais, c'est vraiment impressionnant, mais quand on a visité. Et vous n'avez pas d'université justicienne. Oui, c'est vrai, on n'a pas d'université justicienne, mais juste une petite question. Quand on a visité le port, tu nous as montré là tous les cargos de fret et ouais, quoi. Bien sûr. Enfin, du coup, c'est grâce au pétrole qui, enfin, ou enfin, c'est pas directement du pétrole qu'ils mettent dans les réservoirs. Si, il y a moyen. Après, moi, je suis jamais monté dedans, mais ici, tout fonctionne au pétrole, hein. Mais ça se vend super cher, hein, c'est ce qui fait la richesse des néolibiens en grande partie. Il y a juste à l'extraire et ça marche, quoi, ça bouge. C'est pas extrait ici directement, c'est stocké ici. Après, là où c'est extrait, ça j'en sais rien, ça doit venir d'Africa en grande partie, je pense. Enfin, oui, ça vient d'Africa en grande partie d'ailleurs. Mais pourtant, tu nous as parlé de puits tout à l'heure, si je ne m'abuse. Non, c'était des tours à pétrole. Oh. Les tours à pétrole. Et ici, par contre, on y stocke parce qu'on a besoin d'énormément de réserves. Imagine que t'as une tempête qui rende la traversée de la Méditerranée impossible, ou alors que nos nuées se fassent, enfin que les nuées de pirates s'en prennent à nos navires, enfin à nos navires, aux navires de mes collègues néoliens qui ont réussi. Eh ben, on se retrouverait sans pétrole, ce serait horrible, la ville finirait sans dessus-dessous, donc on a évidemment énormément de stockage qui est très bien surveillé, très bien entretenu, et tout va bien. D'accord. C'est vraiment intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Ah bah, je suis là pour ça, hein, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit. Non, je disais, je sais... Moi, je t'ai trouvé, tes types, t'en fais pas. J'ai dit, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Bah tu nous vois tous les trois attablés en train de discuter. On se regarde tous les trois en mode. on n'écoutait pas trop et honnêtement, votre discussion, on était vraiment en train de causer. Tu vois qu'on est à fond dedans et limite on fait. Oui, tout à fait. Oui, très intéressant. Oui. Mm-hmm. Très intéressant tout ça. Non, mais laisse-les, ils savent pas écouter une bonne anecdote. C'est pas vrai, un chroniqueur. À ce moment-là, derrière vous, vous voyez des Toulonnais regarder à flux de manière complètement éberluée. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes perdus? Ils sont un peu bien éméchés. Totalement. Mais c'est sympa alors. Je crois que... Ah, si. Ah bah c'est sympa depuis que vous êtes parti et que les Néolibiens ont pris la ville, ça pour sûr. Et là, l'autre côté du bar, vous avez un gars qui gueule. Quoi? Comment ça? On est vieux depuis que les Néolibiens sont en ville. Hein, mais vous avez vu les quartiers dans lesquels on vit? Et bon, dans deux secondes, ils arrêtent de vous parler. Ça commence à faire des engueulades de comptoir. Jacques est obligé de les foutre dehors. Et vous entendez quelques insultes au loin. Fils de pie, je vais te faire manger tes dents. Bref. Fils de pie, je retiens. Ouais. Moi, je elle n'est pas si courante que ça. Gens, c'est cool. En effet, c'est ça. C'est pas si courant que ça parce que les pies sont pas aussi mal vues que les prostituées dans notre monde à nous. Mais ça arrive qu'un mec lâche ce genre de truc. Non, enfin, nous, on était vraiment en train de, à fond, de discuter de stratégie, de comment gagner des sous. Comment reprendre ce qui nous appartient. Et du coup, on n'a pas vraiment écouté tout ce qui s'est dit. Mais il y a... Un peu plus tard, moi, quand... Oui. Ah oui, vas-y. Non. Enfin, en tout cas, il y a des pistes de travail qui sont intéressantes. Et nous sommes dessus. Ah, il y en a pas mal, des pistes. Mm. Mokosh, un peu plus tard dans la soirée, toi, t'es abordé par Klaus qui, après avoir fini son show et s'être... à peu près rhabillée d'une espèce de couverture qu'elle a enroulée autour de ses épaules. Elle vient de te voir et elle te fait... Excuse-moi, je pourrais te parler à part 5 minutes ? Mm-hmm. Oui. Elle se lève et vous vous trouvez un petit coin, peut-être au niveau de l'arrière-salle, donc interdite au public du bar. Et elle te fait... Bah, écoute, on a... Comment dire ? On a... créer une certaine proximité toutes les deux entre nous au passage Bernois et je me disais que je pourrais peut-être te demander un petit service. Mm-hmm. Rien de bien méchant, hein, t'en fais pas et je te le rendrai s'il faut, hein, y a pas de soucis. Oui, tu peux dire, vas-y. Écoute, t'es pas sans savoir que j'ai toujours eu deux passions dans la vie, être une pie et devenir actrice. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint les Molières. Voilà tout, tout à l'heure j'ai surpris une espèce de petite embrouille entre Jacques et Blanchard et j'ai cru comprendre que Jacques était pas trop partant pour qu'on fasse nos pièces sur la scène. Il préférait les trucs de nuée habituels, si tu vois le genre. Alors, moi, je suis allé le voir, Jacques. J'ai parlé avec lui, j'ai essayé de négocier, mais je sais pas, il veut pas entendre raison. C'est la première fois que je vois ça, un homme qui me refuse de me donner ce que je veux, même quand je lui propose de coucher avec. Alors, j'ai pas le choix que d'aller te demander, je sais pas, si tu pouvais venir le convaincre. Je veux dire, voilà, on peut presque considérer qu'on est amis ou autre. Donc... peut-être que tu pourras me devoir cette faveur. Je veux juste aller lui parler, hein. Mmh. T'as pas l'air trop partante. Non, c'est faisable, c'est faisable. C'est juste, redis-moi qui veut faire quoi, des deux. Okay. Moi, mon objectif, c'est pas d'être une simple pie, tu vois. Et ça, pie, n'importe qui peut être pie de nos jours. Moi, ce que je veux en plus, c'est être actrice, tu vois, être une pie reconnue. Pour ça, j'en ai pas mal discuté avec Blanchard, qui est un petit peu dans cette veine-là, avec du coup la nuée des Molières. Sauf que Jacques, lui, le tenancier du bar, il veut pas trop qu'on joue ici. En tout cas, il préfère qu'on fasse des trucs de nuée habituels, qu'on vende de la brûlure, qu'on fasse du striptease, tu vois, je te fais pas un dessin. Alors, je me disais que peut-être que si toi, t'allais voir Jacques, ou Enfin, j'en sais rien, je veux dire, regarde-toi, t'es une fureur, j'imagine que tu dois avoir une certaine autorité naturelle, même par rapport à quelqu'un qui est un simple Toulouni. Je vois l'idée. Et puis je me disais, voilà, vu que t'avais un peu une certaine dette envers moi, si on pourrait dire ça comme ça, peut-être que tu me devrais cette faveur, tu vois, et que... Je vais peut-être essayer d'aller lui parler un peu. Je te remercie, je savais que je pouvais compter sur toi. Et à ce moment-là, elle te libère. Donc au bout d'un moment, vous commencez par vous lever, vous abandonnez Joachim et vous repartez de votre côté. Toi, Torik, tu traverses les terres putains en direction de Cour Argent. Tu vois que t'es quand même un peu aux aguets, hein. Tu les repères, les petites nuées qui traînent à droite à gauche, au loin, qui t'observent, mais je veux dire, l'endroit est pas non plus... Enfin voilà, vous êtes dans une ville quand même assez animée, il y a beaucoup de monde, donc il n'y a pas de raison non plus qu'on s'en prenne à toi en pleine rue. Donc bon, bah tu traverses et tu vas rejoindre l'hôpital de campagne. Là-bas, tu vois qu'on t'accueille au niveau de l'entrée, tu retrouves justement Jacques, cette fois-ci le famulancier, pas le tavernier. Qu'on pourrait aussi appeler Jacques avec un C. Et il te conduit jusqu'au dortoir. Là-bas, la plupart des gens sont déjà endormis. L'hospitalier semble avoir un certain rythme et du coup se coucher très tôt parce qu'il doit sans doute se lever très tôt également. Tu croises également évidemment quelques famulanciers qui semblent être de nuit, mais tu leur adresses pas la parole, hein, t'as pas le temps. Il va te découvrir jusqu'à une petite couchette et tu t'allonges et tu t'apprêtes à t'endormir malgré les ronflements de certains présents dans la pièce, en espérant que le lendemain matin sera. Sera assez sympa, que tes collègues seront agréables et que tu sauras leur apporter du soutien. De votre côté, vous autres, vous dirigez au niveau de la sacristie. Au loin, vous avez pas vraiment du mal à la trouver, puisque un feu a été allumé, un feu de joie assez immense, est allumé juste devant. Vous avez donc les vitraux rouges qui émettent les reflets un peu orangés des flammes. Vous approchez de ça. Au loin, vous entendez le bruit des vagues s'éclater contre la jetée. Et vous découvrez à l'intérieur l'endroit déjà qui a commencé, comment dire, déjà à être un peu remis en ordre. On semble avoir passé le balai. En tout cas, il y a des balais à droite, à gauche et des tas de poussières ont été faits au possible. On a installé quelques matelas de camp pour toi, Flux, et pour toi, Jacquard. D'autres comptez Mokosh et... Lito, vous récupérez les lits des deux autres qu'ils ont installés dans la réserve, ou en tout cas sans doute que Lito a réquisitionné, puisqu'il semble avoir jeté tout ce qu'il y avait à l'intérieur dans la grande pièce pour se libérer de l'espace. Et il a installé des espèces de grosses planches pour faire office de paravent et que vous ayez chacun votre espace, en tout cas dans les médias. Les autres, eux, se sont installés aussi des petits lits de camp pour pouvoir se reposer. Et vous avez quelques brochettes grillées qui vous attendent pour ceux qui ont encore faim après cette soirée. Quelques gourdes aussi ont été posées ici et là sur les rebords des fenêtres, vous pouvez y boire un peu. Et vous avez Gérard et Dali qui semblent faire des tours de garde pour surveiller un peu l'avant de la sacristie pendant la nuit. Vous vous installez, il fait assez froid, mais pas autant qu'à Justicienne. Hein. Franchement, l'hiver à Toulon, c'est autre chose. Et... Vous vous endormez ainsi pour la première fois, tous autant que vous êtes, où vous vous trouviez sur votre première nuit à Toulon. Loin du passage bernois, loin de la Borca et des terres de poussière rouge où l'air glaciaire semble reprendre son emprise. Ici, il fait chaud, l'air est agréable, on entend les vagues, on entend les mouettes. Les gens semblent vivre une vie animée et plutôt paisible auprès des Néolibiens. Même si, évidemment, tout ceci n'est qu'une certaine façade et que le contre-coup en termes de pauvreté semble être quand même assez violent avec deux quartiers très miséreux. Un troisième, celui des Terres Putains, qui n'est pas vraiment un exemple d'endroit où il fait bon vivre. Port-la-Gagne, qui en effet, là où vous vous trouvez actuellement pour la plupart, semble être quand même assez agréable. Et pour toi, Torik, Cour-Argent, qui pour le coup est l'endroit le plus riche où vous êtes jamais allé de votre vie. Ils ont quand même construit un palais, parce que évidemment, le palais à Toulon, il n'était pas là avant. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter.